lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. L'émission qui est comme du cacao, 70%. C'est très, très laxatif. Julien Corriveau à l'appareil. Et en manchette ce soir, de la drogue, des excréments et des espaces de stationnement. Mais ils vont probablement donner un sens à votre vie, vos chroniqueurs. Mathieu Boudreau, Emmanuel Côté-Séguin, Jonathan Simon, Alexandre Larocque, Étienne Lapointe, ainsi que notre invité Vincent Descoteaux. En direct du Brouhaha à Montréal, c'est ton 70% à toi! Projet quelconque, c'est épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Tout petit peu, c'est mieux que rien, contentons-nous en les copains. Semble on donne notre 70%, ou on pourrait régler la famine, reconstruire des pays en rire, se bâtir un monde utopique où règne la paix et l'harmonie. Si on se donne au maximum, ou on passe plus vite, moi je donnerai pas plus que mon 70%. C'est devenu ma philosophie, j'espère ce sera la vôtre aussi. Toujours donner au mieux son 70%. Fabuleux. Merci. Mathé Luna, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Notre house band pour la soirée, Bandcamp Mathé Luna. Allez voir ça, ils viennent de sortir un album. On commence la semaine, sinon, et tantôt, en fait, j'ai oublié de parler d'un bénévole important qui vient passer ce lundi avec nous. Et j'aimerais commencer l'émission avec une main d'applaudissements à tout le monde pour Mathieu Potvin. Merci, Mathieu. Hein? Non, une main, on applaudit. C'est simple, là, il va à une main, là, tu fais ça de même, et voilà. Tout le monde avait l'air intelligent dans la foule. Merci, mesdames, messieurs. Sinon, bienvenue à 70%. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Bruno? C'était la dernière d'avril. Ouais, c'est vrai, c'est capoté. Ça. Ouais, il me semble qu'il pleut tout le temps, ces temps-ci. Ça, c'est-tu El Niño ou les Chinois? Je sais pas, il y a le nouveau film qui va sortir, le Geostorm. Ça a l'air malade, ça. C'est Roland Emmerich qui rencontre un petit peu le cinéma riche de... Ah, c'est comme si Roland Emmerich, c'est comme Roland Emmerich mais monté à 11 là. Là, c'est comme tous les désastres possibles arrivent dans le même film. Puis je sais que tu vas me dire ça c'est 2012, mais non, mieux. C'est pas pareil, c'est ça. C'est mieux parce que c'est une machine qui contrôle le weather, mais qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qui arrive, mais en tout cas, ça arrive. Ça l'arrive. On a parlé de Roland Emmerich cette semaine. Je disais, j'ai bien aimé mon analyse. On te revient, Vincent, on t'ignore pas. Hein, tu fais partie du show. Tantôt, en fait, cette semaine, j'ai pensé que Roland Emmerich, dans le fond, lui, il refait tout le temps le même film, mais pour se faire plaisir. Fait qu'il est en train de tout le temps comme couper de l'expo. Tu sais, il coupe à des places. Ah, ça, j'avais pas besoin de le dire, dans le fond, parce que tout le monde va le savoir, parce que il fait comme un film pour lui, pour améliorer son film. Ouais, ça se peut que ce soit c'est ça. En tout cas, j'ai trouvé ça... Je te dirais, tu sais, il y a peut-être trois films de sa filmographie qui sortent peut-être de ça. Mais en même temps, j'essaie d'y penser. Non, mais il y a Stargate. C'était pas mal. Puis Universal Soldier. Puis White House Down. Oh, ouais, hey, ça vole pas haut. Ouais, d'où? Mais White House Down, c'est quand même le meilleur Die Hard des 10 dernières années. C'est vrai. Il n'y a pas tort. Et c'est meilleur que London Falling. London, ouais, ouais. Puis de Olympus Has Fallen, ouais. Ah, ça précise. Le président est noir. C'est sûr que c'est meilleur. C'est vrai. Sinon, moi, cette semaine, j'ai écouté Life's Too Short. C'est une série de Stéphane Marchand et de Ricky Gervais. Les deux, c'est eux autres qui ont fait The Office, puis à ce temps, ils ont leur carrière et tout. Mais c'est Warwick Davis qui a proposé de faire une espèce de Curb Your Enthusiasm, là, okay. De suivre la vraie vie du nain le plus célèbre d'Hollywood. Et lui, il arrête pas de parler de lui comme un dwarf. Je l'ai trouvé vraiment... C'est 6 épisodes, là, une saison... Je vois pas un autre pays où ça aurait pu se faire que ça. Là. Les jokes, c'est tout le temps que la pauvre petite personne se met plus dans la marde en étant généreuse et conne et faire confiance à du mauvais monde. En tout cas, C'est un build-up. C'est le fun, la Grande-Bretagne. Moi, j'ai commencé Downton Abbey. Cette semaine, vous avez le droit de rire de moi, mais écoute, épisode 2, épisode 2, il y a un dignitaire turc qui meurt mid-coït. Fait que, en tout cas... On jase en esti. Ben sinon, Bruno, on va se reparler dans le reste de l'émission. Yes. Il est là, il a envie de parler. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on peut applaudir notre invité, Vincent Descoteaux. Ouais. Merci, yeah, la valorisation, yeah. Salut Vincent. Hey, fais-tu sûr qu'il y a assez de volume dans son orange? C'est lui, là. Vrai qu'on m'entend bien. Yeah. Ah, voilà, là on t'entend. T'as une très bonne voix radiophonique, pourtant. Peut-être qu'ils l'ont mis basse parce qu'ils pensaient que t'étais pour diaphragmer. Est-ce que je suis supposé projeter plus? Ben, je sais pas. Go, dis-moi, man. C'est mon premier pote. Que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron. Je fais du théâtre. Je sais pas. On a des pros pareils à la console. Tant que tu te sens à l'aise. Hey, crois-tu à ça, toi, les fantômes? Des fois. As-tu des histoires de fantômes? Mon père m'a vraiment dit pendant les 12 premières années de ma vie qu'il voyait des fantômes tout le temps. Puis c'est ça. C'est... T'as-tu une bonne relation avec ton père? Oui, correct. Juste, mais attends, je prends ce qu'il dit avec un grain de sel. Là. Il me parlait c'est... de marche ou ce qu'il le croit. Punch, sais-tu que t'es mort? Ben oui. Moi, je pensais qu'il était pour dire ben, « Il est mort quand j'avais 6 ans, je l'ai jamais connu. » Non, ben, on salue M. Descoteaux. Ben, absolument. Tu viens de quel coin du Québec, toi? Moi, je viens de Rawdon. Ah ouais, la chute, pis tout. Ah, ouais, ça, là. Puis là, la chute est hantée, il y a du monde qui se noie, là. C'est un mélange de paranormal, pis de... Oh my god, j'ai embarqué dans cette histoire-là, mais t'as promis que non. Ben là, tu viens de Rawdon, on va parler de la chute, man. Okay. Tu viens de Val-d'Or, on va parler de rien. On va parler du parc. Ben, c'est juste drôle, parce que genre, c'est triste, le monde qui meurt, en général, sauf qu'à Rawdon... Il y a à peu près entre 6 et 12 personnes qui meurent d'un chute, j'ai l'impression, à chaque année. Fait que c'est triste pour la Terre, sauf le monde de Rawdon. C'est juste un fait que les gens meurent dans les chutes de Rawdon. C'est ça. Ben, c'est Darwin aussi. Ben oui, non, effectivement, ouais. Parce que c'est très souvent de leur faute. Il y a des pancartes sur littéralement tous les arbres d'une forêt pour dire, genre, ne vous baignez pas dans la forêt, il y a une chute. Il y a un leader de mort, puis il laisse des membres, des ben, compositions. Il y a un blog, puis des chutes, là, ça a spoté de Rawdon, c'est plein d'histoires de mort. Mais ça... Et voilà, fait que sûrement que c'est hanté. Oui, sans l'ombre d'un doute. On devrait aller jouer à Ouija aux chutes de Rawdon. Ah, si bon, ah, ça oui. Serait une bonne idée, ça. Ça serait une bonne idée, ça. Ouais. Ça serait écœurant. T'as-tu déjà joué à Ouija puis que ça a marché? Non. C'était, on essayait de meubler des Noëls, pas très nice, mais non. Ah ouais? Non, on a fait ça, nous autres, à Noël, il y a 2 ans. On voulait amener l'esprit de Noël. Ah! Dit, ouais. Esprit, es-tu là? Lequel? Celui du passé, du présent ou du futur? Ah ouais? Oh, tu connais ton classique. J'ai hein, écouté c'est... mon ciné-cadeau, ouais. Ouais, c'est ça. Sinon, ben, humoriste. Mm-hmm. T'étais tanné de travailler à l'épicerie ou... Ah, cibole, IGA plus jamais. What? ouais, je fais des blagues, là. Je suis là-dedans en ce moment. Depuis 14 mois. Fait que... Ah, ça se compte en mois encore. Ben encore, là. Okay. C'est comme un l'humour, c'est comme un enfant, là. À partir de 2 ans, c'est. Puis c'est une mais... condamnée, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers là? Parce que là, t'as l'air d'avoir la vingtaine entamée, mettons. Oui, effectivement, ouais. Je suis. Relativement vieux, ben ça me tentait, mais j'avais pas le guts, puis à un moment donné je l'ai eu, puis là je fais ça, là, c'est... Ça me semble logique, ça, ben oui, ça a l'air plausible, ce que tu me dis là, je le crois. C'est... Et puis, est-ce que t'as comme un ennemi juré? En humour? Dans vie? Lise Dion. Lise Dion, hein, ouais, ben écoute, on peut l'applaudir, il l'a dit live. Non, mais moi, Lise Dion, ce que je trouve drôle, c'est que toutes ses affiches de show, elle est comme assise sur des valises, puis elle est crampée. Elle a vraiment l'air schizophrène tout le temps, tu sais. C'est vrai, là. Et sur un poster, ben souvent, c'est ça aussi, les posters d'humoristes, ils ont l'air schizophrène, ils ont l'air de se faire rire sur fond blanc, genre, c'est... C'est weird, honesty. C'est tellement pas clair, en plus, la scénographie de poster d'humoriste. Genre, toujours quelqu'un qui tient un gros suçon, ou genre, comme... Ou, je sais pas, vivre une situation drôle, ou... Ouais, effectivement, puis elle a gardé le même. Il y a probablement un attachement par rapport à ça. Il y a un mime, il y a quelque chose. Elle aime ça rire, je pense. Oui, absolument. Mais peut-être que dans son humour, il y a son bagage émotionnel. T'es allé là, hein, les émotions. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise, toi? En ce moment? Ben, dans la vie. Qu'est-ce qui me rend mal à l'aise? Le monde qui sape. Je me suis fâché à... Ah, va chier. Ça, là, c'est ça, je l'ai eu. Ouais, okay. Ça dirait un bruit de coït, puis je comprends pas que les gens fassent ça en mangeant. C'est comme... Mais tu vois, je l'ai imité assez facile. Tu serais capable de saper. Est-ce que des fois, tu te pratiques pour essayer de t'amortir, genre, pour ne plus avoir peur? Ah. Fais-le, toi. J'ai pas le goût, je vais me détester. Ah ouais, ben non. C'est bon, bon ça... il l'a fait. Je vais aller m'insulter dans un miroir pendant 4 heures. C'est peut-être le début d'un long processus qui va avoir commencé ici. Et puis là, merci Tommy. Ben écoute, on est de même. Nous un démon de plus. Et puis sinon, c'est quel ton jeu Nintendo préféré? Oh my god. Quand tu dis Nintendo, c'est genre Nintendo, la compagnie ou genre le jeu vidéo préféré? Ben, j'aime ça que tu rajoutes des alinéas comme ça. J'aime ben ça ben là, il faut. Ben, NES, la première console. T'as l'âge d'avoir joué à ça. NES, absolument. Cibole. J'ai oublié le nom, mais c'était juste un cowboy qui arrêtait pas d'avancer puis qui tirait plein d'affaires. Gunsmoke. J'ai entendu un jeu de Capcom. Oui, exactement. Capcom qui a réussi à faire le virage des années 2000, contrairement à beaucoup d'autres compagnies. Merci de te parler intime, j'aime ça. Touche-moi. Ben, OK. Sinon, ben, tu vas nous... Excuse-moi, vas-y. Non, c'est toi qui parles. Tu portes maintenant mon enfant, vas-y. C'est la magie de l'humour. Ben, sinon, t'es à 70%, c'est ta première fois. Oui. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. On a un house band de qualité, on a une artiste peintre là-bas. Je vis un 70% magique et je veux que t'en vives un toi aussi. Merveilleux. Si à un moment donné, t'as besoin de quelque chose, dis-nous-le. En attendant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. Et puis, ben, t'as un micro, fait que utilise-les comme tu veux. J'ai entendu dire qu'à la fin de l'émission, t'étais pour nous offrir tes talents. Absolument. Et voilà, ça va être gratuit pour tout le monde. À partir de maintenant, Matt et Luna, s'il vous plaît. On l'a reparti encore pour faire encore plus en court. Non! So excellent. Ça! Il était bon, mon band de punk du secondaire, hein? Ah, yes! Bruno, amène-nous dans le monde de l'univers. Ouais. Alors, en Chine, un conducteur tanné de ne jamais se trouver d'espace de stationnement, il est allé d'une stratégie nouvelle et révolutionnaire. L'homme se dessine lui-même des places de stationnement dans la rue. En effet, l'automobiliste a décidé de traîner de la craie blanche et de dessiner des places de stationnement afin de ne plus avoir cherché de vrais stationnements. Il a été arrêté après que ses lignes de stationnement croches aient mis la puce à l'oreille à un policier. Il fait face un fin limier. On tient de la craie, ça se fait, tu croches. C'est pas de la peinture, ça. Il fait face à une amende pouvant atteindre les 5000 yuan ou environ 1000 $ canadiens, pardon. Ah, oh Chris, je pensais que t'étais pour dire 12 et 25. Non, c'est ça. Là, ça commence ça va bien, la Chine. Là. Ouais, c'est... On lui souhaite bonne chance. Oui. Ben, parce que si eux autres, ça va mal, ça veut dire que... Ben, si autres... ça manque de parking, ça veut dire que le monde a des chars. Yeah! Je pense qu'il y a du monde qui a fait des calculs là-bas. Hein? C'est mieux pour tout le monde. Oui. Let's go next! Alors que son fils se faisait couper les cheveux au collège de coiffure de Cleveland, une femme a perdu patience, trouvant que la coupe prenait trop de temps. Sur une vidéo de surveillance, on peut la voir sortir un pistolet et le pointer sur l'étudiante en coiffure. Affirmant « J'ai deux chercheurs, je vais te tirer ». L'étudiante paniquée a terminé la coupe et la femme est partie avec ses deux enfants. La police de Cleveland est toujours à sa recherche. Deux chargeurs pour une personne, what? Ouais, je sais pas si elle bullshitait, là. Non, mais ça implique de recharger pour tirer sur la même personne. Exactement, c'est ça. Ça veut dire... Elle avait peut-être plus 6 de dextérité avec son équipement de coiffeuse. Ben, possiblement, ça vient avec l'école. C'est un training. Faudrait demander à Donjons et Dragons. T'as-tu déjà joué à ça, non? Ah non, Rodin n'était pas fin avec ceux qui jouaient à Donjons et Dragons. C'est vrai. Next. Pitcha dans la chute. Un homme faisant face à des accusations de fraude a tenté de se faire excuser d'une audience devant le juge avec un billet du médecin plutôt louche. Jonathan Walker a donné un billet sur lequel un médecin affirmait que l'homme devait subir une opération à la cheville. Le juge a fait remarquer à l'avocat de la défense que le logo semblait être dessiné à la main et que le mot « you » avait été remplacé par la lettre « you ». Un mandat d'arrestation a été émis pour Walker. C'est un billet du médecin. C'est un crise de bon punch, ça. Ah ouais. Petite calice. Ah ouais, hein. Merci, Bruno. Avec plaisir. Ah, sacrément. Lui, il invente rien. Là. Lui, il rapporte. Non, c'est, ça s'invente pas, des choses comme ça. C'est la comédie humaine. Et c'est, voilà. Ouais, c'est ça que je dis. J'ai pas l'imagination pour en inventer 6 par semaine. Là, comme ça. Vous direz qu'il a texté un papier du médecin, you, tabarnak. Puis toi, ça va bien à date? Ouais, non, c'est chill. C'est bon, t'as de la bière, t'es correct. Elle est revenue, oui. Dis donc à Maté Luna qu'on passe au prochain chroniqueur. Maté Luna. Maté Luna, on passe au prochain chroniqueur. J'aurais voulu être un chroniqueur. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Check la liste, man! J'aurais voulu être chroniqueur pour pouvoir faire des chroniques. Rencontrer des gens sympathiques sur plein de sujets très communs. J'aurais voulu être ah, de toute beauté. Merci, wow. Maté Luna. Maté Luna, merci beaucoup. C'était une entrée à la mesure de notre chroniqueur vedette. C'est Mathieu, hein? C'est forcé pour lui. Merci. Je suis très, très, très émotif là, en ce moment. Je ne saurais pas quoi répondre à ça. Sinon, mangez-moi le gland, tout le monde. Allez-y, je suis allé là. Non, mais mangez-en, sérieux. Hein. C'est pas moi qui va le faire, c'est votre gouvernement. C'est mon best-of. Alors, pour ceux qui suivent, c'est ça, je fais un best-of. Là, on est le 28 juillet 2014. C'est comme ça. Et ça, ton best-of, juste une question même avant que tu commences. Là. Ouais. Tu fais. C'est avant la retraite. T'as-tu vraiment comme tout relu tes chroniques ou tu y vas comme un peu comme quand tu choisis où est-ce que tu t'en vas en voyage en pitchant un dart dans ton ordinateur? Un peu des deux, là, je te dirais. Ça ressemble à lancer un dart, lire deux, trois trucs ensemble. Pis... Ça veut-tu dire qu'il va y avoir le best-of country et le best-of de Noël après aussi? C'est oui, ça c'est sûr, ça s'en vient, le best-of de Noël. Bon, en tout cas, si t'as remarqué, ça fait trois Noël que je fais la même chronique, juste en changeant des mots. Ça fait que, c'est comme ça. Jacques Brel disait « on écrit que trois chansons ». Fait que c'est ça, il disait d'autres choses aussi, mais pas le temps. C'est un sujet plutôt sensible, mais je ne parlerai pas du conflit israélo-palestinien. Je voudrais pas qu'une bombe toc-toc arrive chez nous. Toc-toc. Quel boom économique m'apporterait-elle? Je parlerai pas non plus de la charte des valeurs québécoises. On est en 2014, là. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, qui s'en souvient? Ce vague... Merci. Il y a la réponse. C'était Bernard Bréville. C'est ça. Un morceau de robot, maintenant ta gueule. La charte des valeurs, hein, cette vague épisode disgressif aux accents patibulaires mettant en scène moult bambouches, tartarins et rustres. Mon père, il disait, dans l'incapacité de te faire entendre, tu te défoules celui-là qui n'a pas de dictionnaire. C'est ça. Non, je réglerai aucun problème aujourd'hui, ni en 2014, j'en ai réglé. Je vais plutôt vous parler de la souffrance. Mais pas n'importe quelle souffrance, celle-là qui fait mal. Pas un petit mal, là, genre « je me suis cassé un bras » ou encore là « quand j'avais 5 ans, j'ai perdu mes parents dans un incendie où je suis morte ». Non, pas ce genre de souffrance. Là, elle te regarde, puis elle n'a pas de pied dans la porte de ta chambre. Quelle fin de semaine. Je te parle de la souffrance hein, qui a sa place sur l'échelle de Richter. Un mal qui engendre des dizaines de milliers de fonds de pension chaque année. Le mal de dents, Tommy. Oui. Voilà. Cet ennemi juré. Ceux qui l'ont vécu, ils savent. Un cœur de soleil qui essaye de te sortir de la mâchoire en étant propulsé par un volcan d'acide. Ça fait pas aussi mal qu'une molaire maxillaire supérieure droite en pleine phase 5 de la classification de Baum. Non! Oui, la classification de Baum. Le monde rit plus, hein? Non, non, je sais, le monde rit pas, mais je m'en calisse. Je suis pas là pour te faire rire. Non, mais c'est sérieux. Ça tente. C'est sérieux, ça nous touche toutes. La pulpe nécrosée, Tommy. J'avais la pulpe nécrosée. Et de ce fait, infection de la dentine radiculaire. Ce qui signifie traitement canalaire antiseptique, suivi bien sûr d'une banale obturation hermétique de routine. Mais la question n'est pas là. La question est, ce que j'essaye de te dire, c'est que ça ne se compare pas, la souffrance, ça se vit. Quand tu me dis « Ah ouais, un mal de dents, moi je viens d'accoucher de triplé », je me dis « Qu'est-ce que je fais à aller faire du bénévolat à l'hôpital l'après-midi, moi, Chris? » C'est ça que je me dis. Calme-toi, je pense pas le temps encore. Non, mais c'est vrai, le bénévolat, c'est certainement ce qui a sauvé, ce qui sauve, et c'est ce qui sauvera l'humanité. Mon avocat, il me l'a dit, ça. Il me l'a dit comme ça. Il m'a dit, toi et mon homme, eux autres, t'es aident à se sentir mieux, puis toi, tu fais tes 240 heures de travaux communautaires. C'est un hostie de bon deal pour une accusation d'agression armée avec lésion corporelle. Bon, c'est pas vraiment ça qu'il m'a dit, mais moi, c'est ça que j'ai compris. C'est comme ça. Tu sais, quand même, là, mon avocat, lui, était quand même juste en train de mûrir en attendant que je le mette dans une guacamole. Ça, c'est important de le dire. Je suis allé là. Pour les... Non, mais, pour les autres, vous pouvez en manger de la marde, mais pour ceux que ça intéresse, la dent est constituée de trois choses. La pulpe. Et ça, la pulpe, c'est quoi? C'est la partie la plus interne de la dent. Et c'est constitué de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs. Et tout ça par synthétisation de cellules odontoblastes. Crème, on a des fans d'odontoblastes. Par cette synthétisation-là, hein, ben ça va servir à la création de la deuxième partie de la dent, soit la dentine. Hein, comme la gomme, sauf que c'est moins collant un peu. Et ça, la dentine, c'est quoi? C'est constitué de 10 % d'eau, de 20 % de matière organique, et tiens-toi bien, Tommy, d'hydroxyapatite à 70 %! À 70%. Donc, ça fait 10, 20, 70. Et ça, c'est le numéro du cadenas d'Hubert-Rive à l'université. Mmh. Les gens le savent. Prenez des notes. Mon père, il disait, la société, c'est comme la dentine. 10% qui gère, 20% qui pense qu'il gère, puis 70% qui génère. Puis là, il sacrait dans le vide. Là. Il était en tabarnak. Mais il avait raison. Mais on capotera plus, là. On capotera pas non plus avec ça. Là. Comment ça s'appelle? L'hydroxyapatite. Hein, parce que l'hydroxyapatite, c'est quoi? C'est du phosphate de sodium, Tommy. Et du phosphate de sodium, c'est quoi? C'est du sel, calice. Là. Hein? Nos dents sont en... Ben, là, c'est juste la deuxième partie aussi. Ben, c'est une sorte de... C'est une sorte de sel. C'est une sorte de sel, ça passe au conseil. Ben, en tout cas, tu iras checker. C'est pas moi qui ai étudié en dentiste, certain. Là. Et puis ça, faut pas trop capoter avec ça. Là, toutes nos cellules hein, baignent dans une solution saline. Et puis le sel, ben ça se vend au kilo dans les dépanneurs. Tu sais, tout va bien avec le sel. Calmons-nous, OK? Et oui, la dentine, c'est la plus grosse partie de la dent, puis c'est aussi appelé l'ivoire. Okay? Et ça, c'est la partie vivante de la dent, parce que la dent, c'est vivant. Voilà. Et sinon, ben, il reste l'émail. Et l'émail, ça, c'est la partie visible de l'organe dentaire. Et ça, c'est 96% minéral. Et le reste, c'est des tissus organiques et de l'eau. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ça? Non. Bon. Sinon, je l'avoue, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais trop occupé à ne pas m'apprécier. Je m'aimais pas. Et dans la culture, chez nous, c'était pas ce qu'il y avait de plus important, se laver les dents. Le monde s'en crissait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, même si je fais des gros efforts, j'ai toujours des problèmes de dents, puis ça me fait chier. En terminant, aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer. Fait que je me brosse les dents. Et c'est peut-être ça qu'il y a à retenir de ce que je viens de te dire, c'est brosse tes dents. Papa, merci pour le conseil. À ce temps, je vais faire qu'est-ce que tu viens de me dire. Puis comme d'habitude, dans ma chambre! Ouais. Fait que clairement, si j'y pète pas les dents, cet enfant-là, il va avoir des belles dents, putain. Ah, c'est sûr. Merci, Mathieu. Merci. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Je suis un chroniqueur et j'aime faire des chroniques sur des sujets comiques. Moi, j'aime ça faire des chroniques. I wanna be chroniqueur. Voilà. Merci, Mathieu Luna. Ah ouais, hein, il y a des... Il se passe des affaires. Ben oui, c'est ça, on a un chroniqueur. On a un chroniqueur avec... Ah! Eh ben... Il était pas prêt. Bonjour! Bonjour, mon Seigneur. Bonjour! Bonjour, Tony. Bonjour. Salut, Bono. Je me présente Andrew Nathan Onim, ou O-N Onim. On a annoncé Emmanuel tantôt, je sais pas c'est qui. Je sais pas. Si je savais c'était qui, je vous dirais qu'il m'a dit de vous dire qu'il ne savait pas j'étais qui non plus. On n'a aucun lien là, avec l'autre. Toutes les vérités que je viens vous exposer ne sauraient être mises sous sa responsabilité. Fait que là, je vais dire l'obvious, là, mais t'as une moustache sur une moustache, des lunettes sur des lunettes. Merci, Tony. J'apprécie ta sagacité, Tony. Merci. Je t'écoute, anonyme. Je suis ici pour vous proposer une étude de ce que vous, les gens qui vivent dans l'obscurité, appelez les théories du complot. Dans le milieu, on appelle ça les vérités alternatives. Réveillez-vous, les croutons! Aujourd'hui, je me penche sur un phénomène observable par tous, même les plus naïfs des endormis, c'est-à-dire la Lune. Depuis toujours, la Lune a suscité des questionnements quant à son origine et sa composition. Hein. Certaines vérités alternatives, comme bien souvent, se basent sur des écrits de science-fiction. Pour nous exposer les faits, une théorie avancée par H.G. Wells en 1901 propose que la Lune est creuse. Lui-même s'inspirant d'observations faites dans les 17e et 18e siècles. Par la suite, en 1970, Mikhail Vazin et Alexander Shcherbakov de l'Académie soviétique des sciences affirment que la Lune ne peut qu'être creuse, mon cher Tony. C'est sûr, elle ne peut qu'être creuse. Oui, si on observe les cratères à la surface de celle-ci, ils ne sont pas assez profonds et leur forme démontrerait plutôt qu'une fine couche de sédiments recouvre une coquille vide, l'extérieur d'un vaisseau spatial. Est-ce que t'es sénile? Je vais revenir sur la théorie des anciens astronautes, mais certaines mauvaises langues diraient que les affirmations de l'Union soviétique qui était athéiste visaient plutôt à ébranler l'ordre de l'Occident fortement religieux. Mais ça, ça vaut ce que ça vaut. L'idée que la Lune est en fait un vaisseau spatial a été largement partagée. David Icke, retenez ce nom. Il risque de revenir souvent dans cette chronique. Il soutient que la Lune est un spationnef, hein, un portail interdimensionnel contrôlé par des reptiliens. C'est à partir de là qu'il diffuse la Moon Matrix. Qui diffuse à l'hémisphère gauche de notre cerveau pour nous donner notre conception de la réalité. Merci. Le concept de matrice est beaucoup trop complexe pour que je me penche là-dessus aujourd'hui, mais disons que tout ce qui nous entoure n'est pas vraiment ce qui semble. On y reviendra. Ouvrez les yeux, les morveux! Dans la dernière théorie de David Icke, annoncée en 2012, les anneaux de Saturne eux-mêmes, créés par un vaisseau reptilien, sont vraiment la principale source du signal de la matrice, et la Lune n'agit que comme un amplificateur. Tony... Ça s'invente pas, ça? Non, ça s'invente. C'est sûr. Encore aujourd'hui, des illuminés comme Crow777 sur YouTube observent la Lune à tous les soirs afin de détecter toute anomalie. C'est vrai, vous irez voir. Selon certains, la Lune est un hologramme. Un hologramme, soit dans son entièreté ou seulement à la surface. Hein. Une projection holographique recouvre l'entièreté de la surface de la Lune pour cacher les activités qui se déroulent sur notre satellite naturel. Tu peux pas te passer toutes ces heures à scruter des images trop zoomées et des vidéos qui tressautent sans trouver des traces de possibles bâtiments construits sur la Lune, voire des villes entières. On nous cache tout ça, Tony! Personnellement, je pense... Non. Je vous affirme que toutes ces hypothèses sont éclairantes, mais on est loin du compte. Je vous le dis, les anciens suggéraient que la Lune est en fromage. Et ils ne peuvent pas avoir imaginé quelque chose d'aussi absurde sans qu'il y ait un fond de vérité. Vous savez, notre galaxie ne s'appelle pas la Voie lactée pour rien. C'est que, voyez-vous, tous les satellites naturels observables, chaque lune de chaque planète, sont des fromages laissés en vieillissement par le quadruple G, hein, le grand Gary gastronome galactique. C'est que chaque planète ayant des conditions différentes, les températures variant selon les règles et l'éloignement du Soleil, ça fournit un affinage particulier à chacun de ces fromages lunaires. Et un jour, le grand Gary va revenir chercher son fromage qui sera vieilli à point après des milliers d'années à orbiter autour de la Terre. Et ça, Tony, c'est la vérité. C'est tout pour aujourd'hui. Dans ma prochaine chronique, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Maman Dion et Papa Roach sont les parents d'une famille d'êtres insectes qui nous endoctrinent par la musique subliminale et les fixatifs en aérosol. Merci, Décolis. Oh, man. Hey, boy. Si seulement j'étais capable de saigner des yeux sur demande. Oh, my God. Ça a été dit à 70%. Le building numéro 7, la théorie du complot, toi, t'es-tu... Non, je suis vraiment down. Ah ouais, bring it on! Je vois cet enfant-là, ne le laissons pas se reproduire, mais qu'il existe l'espace de 5 minutes. David Icke qui est assez là-dedans. Lui, il pense qu'il y a une race de reptiliens qui dirigent l'humanité, puis ils sont capables de phaser, genre... Tu sais, nous autres, on voit 24 images secondes, mais eux autres, ils existent pendant 48 ça, images secondes, genre... On là, voit pas 24 ça, c'est les 24 qu'on voit pas. Ben, oui, t'as besoin de 24 images pour construire pour que le ce mouvement. Soit fluide, pour que ce soit fluide, c'est ça, mais on voit pas en 24 images secondes. Ben non, ben, vous... Tommy. On voit à en ce moment, on voit à 60 images secondes parce que c'est des lumières qui sont artificielles, qui sont dans la place, qui flashent 60 fois par seconde. Mais on voit pas à 24 images secondes. OK, c'est bon. En tout cas, on ira voir dans le David Icke Orium, là. Cher journal, aujourd'hui, j'ai assisté à la naissance d'une chicane. Non, moi et lui, on se parle... Le sujet préféré, on va en reparler encore, c'est le parc. On parle du parc souvent. T'as-tu déjà été en Abitibi? Ah ouais. Je pense. Ah non, excuse-moi, c'est pas vrai, je t'ai menti. Tu t'en rappellerais, c'est sûr. Ben, on va te revenir, je te pardonne. On passe au prochain. Ah non, on est rendu au moment de la soirée où, Georges, je sais que t'es en train de vilipender ton drummer. Je pense qu'on mais... on a coupé mon son. Salut. Oui, Mateluna, c'est 4 personnes, là, j'en vois une cinquième. C'est quoi qui se passe? Oui, on a ajouté un membre. Donc 4 plus 1 égale 5. C'est même une membre. Une membre, oui, parce qu'on est en 2017. Est-ce que t'assumes mon genre? Exactement. Oui, j'assume en esti, oui, j'avoue. Plus le choix maintenant. Vas-y, donc, j'avoue. Mouzou, de son vrai nom, Mouzou. Ouais. Voilà, elle est là. Mouzou, hey boy. Hein? Je me suis retenu de dire Grambé, là. C'est... Oh. Mais c'est ça mon nom! Oh. Tu t'es pas vraiment retenu, Tommy. Ben, jusqu'à non, temps que je me retienne plus, là. Mais là, on est rendu à la moitié du show. Je pense qu'on aurait besoin d'aérer un petit peu. Vous allez nous en garocher une. Oui, ouais, il y a Meat Pie Mayou là-bas. On a Francis qui est motivé. Il y a Laurent qui s'apprête à faire un... Laurent Orré. Let's go! Salut. On va enchaîner avec une autre chanson qui s'appelle « Pour faire chier ». Au fil des paroles, je vous laisse deviner pourquoi elle s'appelle comme ça. « Put, put, neck, neck, fuck, stop, cop, plot, sale, juif, sale, jambe, shot, the fuck up. Wild bit, poche, merde, crisse, crasse, crotte, coke, queen, pimp, gros, crisse. De blanc, pis, pas de droit, pas de droit, pas de respect. Fuck la femme, fuck la paix. Fuck la terre, l'environnement. Fuck ta Bible et ton Coran. Sans Dieu, sans maître pour le sang. Violence, porno, 100%. Discours haineux et malbouffe. Bénis-toi, c'est dans ta bouche. J'ai voté libéral. Je déteste les enfants. Je suis pro-immoral. Je suis pro-indécence. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça vous choque, choque, shot the fuck up, choque, choque, shot the fuck up, choque, choque, shot the fuck up, choque, choque, shot the fuck up. Monsieur Étienne Maillot à la guitare, est-ce qu'on l'entend? Est-ce que oui? Non? Hey, vous avez le droit d'applaudir. Yeah. Je pense que là, c'est celle qu'on a rentrée tête à date. Hey, c'est capoté. Étienne, il va se faire mal. Son médecin, il avait dit qu'il pouvait plus jouer de même. Là. Étienne. Il sacrifie, man, à fond. C'est capoté. Une chance qu'il est là. Hey, ouais, écoute, là, c'est comme Rocky, il pouvait pas revenir. Mais sinon, Georges, ouais. Il se passe de quoi de bon dans la matélunosphère, genre? Ben, on a sorti un album récemment qui est disponible sur Internet, sur Bandcamp, Google Play, l'autre truc où personne n'achète jamais, le iTunes. Parce que c'est gratuit en streaming, tu sais. Ah ouais, j'avoue. Mais quand même, si vous nous écoutez en streaming, ça va peut-être vous donner le goût de nous voir live à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 juin. Ouh! Hein? Elle partait de la Saint-Jean à Saint-Jean. C'est tellement méta. Vous êtes capotés. On est fous de même. Vous êtes mon house band préféré. Ah, merci. On ne connaît pas les autres, mais on est désolé pour eux. Merci, merci Georges. Sinon, on a quand même un show à finir. Peut-être que je vais aller voir l'invité. Ouais. Je vais aller voir l'artiste un petit peu, puis je te reviens. D'accord. Pascal, comment ça se passe là-bas? Peut-être que tu pourrais nous parler de ce que tu es en train de faire un petit peu. Ben, en fait, je me suis inspirée de deux choses bien populaires dans la culture, qui est Sexy Sax Guy, puis les masques d'animaux qui sont vraiment, vraiment populaires. Fait que c'est un peu un mix de ces choses. Là, ce que je vois, c'est Sexy Sax Pouletman. Exactement. Qu'est-ce que c'est hot? Ça va être à vendre à l'enquête tantôt. Merci beaucoup, Pascal, de Sucrose Collective, qui fait partie du visuel de la soirée. Toi et Vincent, comment ça se passe? Ça se passe très bien. T'as-tu une joke impliquant... Hey, non, j'en ai une pour toi. C'est quoi la différence entre la série Dinosaur et les Simpsons? Je sais pas. 28 saisons. C'est moi qui l'avais inventé, je te la donne. Ah, oh, t'es fou. Ah ouais, tu peux aller, let's go, fonce. Puis sinon, toi, ça va, 70%? Non, c'est chill. Premier podcast à vie, en plus, genre, ça se passe très bien, cette perte de virginité-là. C'est... Ah ouais, c'est ton premier podcast? Je te jure. Mais c'est vrai que ça fait 14 mois. Tu faisais quoi avant? Attends un peu, là, t'as l'air solide, tu plantais des arbres dans le Nord. Ah, si seulement. Non. À l'épicerie. Ah, oh, seulement. Non, j'ai vendu plein de sortes d'électronique. J'ai eu une grosse vie d'adulte avant de faire des jokes. Là. C'est pas mal ça. Là, j'ai fait un bac en cinéma qui, maintenant que j'aime l'humour, ne me servira à fuck all. Ah oh, mais... ouais, hein? Je serais que le cinéma puis l'humour, c'est incompatible. Non, je pense que non. Là, c'est même famille, donc ça ne peut pas coucher ensemble. Mais c'est... Ah, celle-là, je m'attendais. Je pense que ça marche pas, cette affaire-là. Intro, dans ce domaine-là. Ouais. Ok, je comprends. Mais on va s'en reparler dans le futur. Hein? Cool. Ouais. C'est bon. On va retourner voir Maté Luna pour retourner avec deux chroniqueurs. Ben chill. T'es cool, Vincent. Ben pareil, man. Fais attention à toi. Hey. Let's go, Maté Luna. Le prochain chroniqueur, salut tout le monde. Oh, wow. Merci beaucoup, Madelina. Bon. C'était vraiment bon. Jouez à mon mariage, s'il vous plaît. Let's go, Johnny. Oui, ben aujourd'hui, je fais un top 5 des... Ben, un top 4 des pubs de couple. C'est donc les couples dans les publicités. Hey, ça me touche, ce sujet-là, tu le sais, là. Ça va être, non, ça va être très touchant. Je fais une analyse et on va commencer par le premier couple qui est le couple de Tim Horton. Ah, fort, ouais. Fort. J'aurais pu les garder pour la fin, mais je me dis, on va y aller fort en partant. Alors, Pitou et Minou, Élise Marquis et Patrick Labbé. Ah, pendant des années, se sont rencontrés au Tim Horton, se sont mariés au Tim Horton. Excuse-moi. Ils ont fait toutes sortes d'affaires. Je pense qu'ils vont mourir au Tim Horton aussi. C'est sûr. On va les voir dans des cercueils. Composté dans le Tim Horton. Ça va pour être brun. Il y en a un des deux qui va mourir au Tim Horton pendant que l'autre est là. Puis là, après ça, les autres épisodes, ça va être comme une des deux personnes qui est toute seule au Tim Hortons. Ben non, mais ils vont mourir comme dans The Notebook, genre couché dans un lit au Tim Hortons, une qui est Alzheimer, puis l'autre genre qui l'aime, puis ils vont mourir les deux en même temps dans la même nuit. Mm. Donc c'est un peu ça. On les a vus dans toutes sortes d'activités de la vie de couple, telles que manger des beignes, boire du cappuccino glacé et possiblement faire du diabète. Ce que Pitou aime le plus dans l'intimité, c'est quand Minou lui déroule le rebord. Mais l'autre fois, Minou s'est fâché parce que sur Pitou, c'était marqué « Vous gagnez une chlamydia ». J'aurais aimé ça les voir se battre dans un combat de lutte extrême. Je les aurais fait se pogner contre Claire Pimparé. Personnellement, parce que Claire Pimparé, elle faisait les annonces de Dunkin' Donuts. À la même époque, courageusement, pas seul, à la même époque, mais... Célibataire, femme forte. Et ouais, elle faisait ça tout seul. Elle faisait des pubs de beignes avant que ça devienne cool. Lise Dion, elle a fait des... Qui c'est qui parlait de Lise Dion? On s'excuse, c'est... on parle pas de... Non, c'est... on veut pas parler de Lise Dion. Continue, ouais, go on. On a vu... Donc, comme on a parlé tantôt, on a vu tous les aspects de son couple. Ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Heureusement, ils ont pas fait les enfants dans le Tim Horton, mais... On sait pas, ça. Ouais, ça se peut qu'ils aient fait devant le Tim Horton, ça n'a pas été filmé et montré. Ça serait les inédits. Est-ce que ça serait bon, ça? Non, on n'a pas vu. Les caméras de la toilette, est-ce que ça serait bon, ça? Mais moi, je me rappelle, ma préférée, c'était quand elle s'en va à la course pour acheter un café, puis elle était en robe de mariée. Puis là, vite, faut que tu sais, elle était en retard, mais elle voulait un... Voyons, tabarnak! Tu sais, continue. Ouais, il me semble que, de toute façon, Tim Horton aurait pu payer leur mariage avec tout ce qu'ils ont fait pour eux autres. Deuxième couple très mémorable de la publicité, c'est Monsieur et Madame Canadian Tire. J'adore ta chronique. Mais on pourrait Monsieur en parler et Madame, une soirée. On peut en parler pendant toute une soirée. Ils avaient un ton monocorde et sans émotion. On voyait, puis quand on les voyait, on sentait que c'était un petit peu comme les membres de notre famille. Dans le sens qu'on n'avait pas le goût de les imaginer en train de fourrer ensemble. Malheureusement, Madame Canadian Tire, j'ai eu des informations en tant que chez Johnny Publicité. Je suis connecté sur le monde de la pub. Et malheureusement, Madame Canadian Tire est maintenant veuve suite à un accident qui implique la Cironde Mastercraft à la page 39 du catalogue Canadian Tire et 50 Shades of Grey. Donc, c'est un... C'est un peu ça, mais j'ai entendu dire que Madame Canadian Tire a refait sa vie avec le voisin fatigant qui était pas foutu de se servir d'un marteau. Ah, il était con, lui. Ah, il était comme... Mais il y a un corps, je pensais qu'il avait juste une tête puis deux bras. Ouais, il tenait au bout d'un bâton, genre en arrière de la clôture, non, c'est... Il était fort, ce couple-là, il était fort. Mais là, on s'en va chez Brou et Martineau. On s'en va chez Brou et Martineau, certes. Yes! Ah, ça, c'est mon préféré. Tu m'as vu venir. Alors, eux autres, ils se sont rencontrés dans la publicité, en fait. C'est-à-dire que la fille... faisait la narration des pubs de Brou et Martineau et le gars est tombé en amour avec la voix de la fille, ce qui est quand même assez romantique quand on y pense comme faut. Puis ils se sont quittés au Brou et Martineau aussi. Parce que la fille a dit, t'es encore ici à triper ces spéciaux, si t'arrêtes pas, je m'en vais. Puis il a fait, mais gars, l'écran, il est 44 pouces, puis il vaut seulement 729$. Ouais, ils passaient leur vie au Bruy-Martineau. À un moment donné, quand la fille le pognait dans les toilettes avec la revue de Bruy-Martineau, avec le gars en train de chercher le poster dans la page centrale, ça a fait un peu comme, ouais, peut-être que je devrais passer à d'autres choses. Je suis avec un malade mental. Mais tu sais, ces couples-là, c'était comme tous les bons employés de Bruy-Martineau, c'est-à-dire que j'avais le goût de fesser dedans. Fait que... Donc, c'est un peu ça. Et mon numéro 4, finalement, c'est pas vraiment un couple, mais plusieurs couples. Ça, c'est peut-être un petit peu moins connu parce que c'est moins récent, mais c'est le couple de l'Abbat Dry. C'était Charlotte Laurier puis Bernard Fortin. Oh, ben là, c'est une campagne, ça. Ils ont pas transcendé les saisons, eux autres. Ben, ça a duré 3-4 ans, quand même. Ah, ben, tabarnak! Ça a duré au moins 3 ans, puis... En fait, ils se crousaient avec des répliques un petit peu clichés, du genre « Ton père, c'est un voleur, il a mis des étoiles dans tes yeux », tu sais, des affaires comme sans ça. « Sans mon doigt, devine, je l'ai mis où ». Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il y en a un des deux qui sortait... Full cliché, man. Et il y en a un des deux qui, malgré toutes les phrases dégueulasses qu'il a dit avant, sortait une réplique du genre « J'aimerais ça t'offrir une Labatt Dry », et là, ça marchait. Ben oui. Je sais ouais. pas ce qu'elle avait, la Labatt Dry. D'ailleurs, ils en font plus, hein. Je sais pas ce qu'elle avait la Bad Dry, mais le petit pep. Il y avait un petit quelque chose de plus. C'est comme la campagne de Coors qu'il y a eu récemment là. La Coors Light va vous faire oublier le concept de dire non là. Ouais. Il y a pas de viol s'il y a pas de non. C'est vrai. Il n'y a pas de oui. Mais il n'y a pas de non. En tout cas, t'as-tu fini? Deux petites affaires. Okay. Je cherche activement des vidéocassettes remplies de pubs si jamais il y en a qui ont ça chez eux. Donc. Vincent Descoteaux a levé la main. Plein d'intérêt. Non, mais parce que toi, t'es un freak, puis t'écoutes ça, puis tu découpes les affaires qu'il y a là-dessus. Exactement. T'es un petit peu notre ripper officiel à douteux.org ces temps-ci. Ouais. Dès qu'on reçoit un DVD ou un VHS qu'il faut transférer en digital, d'habitude, je le donne à Jonathan Simon et c'est fait de main de maître. Et lui, ce qu'il fait triper, contrairement à tout le monde que je connais, c'est d'avoir un VHS avec des émissions de 1992 que personne n'a enlevé les pubs, genre. Fait que si vous n'avez qui traîne chez vous, on les veut, on lui donne, ça devient de la magie pour le futur. C'est un petit plus si c'est des games de hockey qui ont des pubs dedans. Avec des joueurs de hockey, oui. La dernière affaire, c'est qu'aujourd'hui, je suis responsable de prendre les photos et il n'y en aura pas une de moi si je prends pas un selfie. Ah, tu veux faire un selfie? Ben oui. Ben, pendant que tu fais ça, on passe au prochain, c'est s'il bon. Vous plaît. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans RoboFlick 2. Vous avez l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. Wouhou! C'est nous autres, ça! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tommy! T'es tellement beau! Avec tes chemises de ninja ironique. Oui, Tommy, c'est ça. Hey, ils sont bons, ma tenue-là. Est-ce que ça t'a valorisé? C'est une toune de Pink Floyd. C'était chaud. C'est une toune des Beatles. C'était chaud, j'aime ça. C'est la meilleure toune des Beatles. C'est sur leur album... C'est The White Album avec un mur dessus là. C'est ça, avec il passe la lumière là, ça devient plein de couleurs. Ouais, c'est ça, sur un mur blanc. Ouais, okay. C'est ça. Bonsoir. Hey, bonsoir. Ça va bien. Salut Alex. Salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu comme chroniqueur. Ouais, c'est vrai, je suis comme occupé hein, c'est un site. Je le sais, man, t'es en train de faire un travail de tigre pour nous autres là-bas, c'est exactement. Puis je vais prendre un petit peu de temps, juste un petit peu de temps à soir parce que j'ai de quoi à partager. J'avais une quest dans le jeu vidéo, bien sûr, à finir. Je voulais trouver le jeu de Journey, tu sais, le band Journey. Tout le monde connaît Journey. Il y a un jeu qui est sorti de l'album Escape, un jeu Escape. C'était ma quest. Je me suis dit, il faut que je trouve ce jeu-là au Atari 2600, by the way. Hey, à toutes les fois que tu dis quelque chose, c'est comme... Non, je le sais, mais attends, j'ai même pas fini, c'est okay, ça le pire. C'est ça. Fait que là, il y a Jean-Sébastien Godette, que je vais le remercier. Merci, mais va chier, genre en même temps. Parce que comme, il a brisé mes rêves, tu sais. Moi, ça faisait des années que je cherchais ça. Je vais jouer au jeu de Journey, tu sais, parce que j'aime bien Journey. Finalement, je mets ça dans ma console. Ça allume, tu sais, puis déjà, je suis déçu, déjà en partant. Je fais que l'allumer, je suis déçu. Je commence à jouer, puis le but du jeu, en fait, il y en a un, c'est rends-toi ta gig sans te faire détruire par tes fans. C'est ça. Fait que les méchants, c'est tes fans? Ouais, c'est ça. T'évites des clôtures. En fait, t'es un des gars de Journey. En tout cas, ils ont essayé de modéliser un des gars de Journey qui court de même, tu sais. Puis là, ça arrive, là, il y a une clôture. Wouh, là, il y a un fan, mais il est plus petit que toi. Il est comme, tu sais, c'est des petits fans de rien. Puis il passe. Puis là, maintenant, il y a des cœurs avec des jambes qui pourraient passer pour une paire de boules avec des jambes. C'est vraiment weird. Puis, ouais. Ah oui, t'arrêtes pas de monter vers le haut de l'écran. Oui, tout le temps. La tune est super bonne, en plus. Attends, ben justement, c'était comme. Tu sais, moi, je me suis dit, ah, yes, on joue. C'est Journey, tu sais. Puis, regarde, j'ai même plus le goût de continuer. Je vais vous laisser avec ma déception. Tu sais, on demandait à Olivier de partir ma déception. OK? Pardon. C'est la toune! C'est la toune! J'ai joué à ce jeu-là, ouais. Merci, Alex. Merci beaucoup. Hey, c'est capoté, ça! C'est la coupe. Pourquoi tu pointes pis t'as l'air heureux, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Just a titty boy! Dun-dun-dun-dun-dun! Look at me not friends going anywhere! Ouais, ouais, ouais. L'important, c'est les tripes, hein? C'est pas nécessairement... Quand tu vas au karaoké, toi, c'est quoi tu chantes? Ben, le pire, c'est tout là, mais traduit en littéral français. Ça crée des malaises infinis. Ah, on fait ça tout le temps, nous autres aussi. Sérieux? Ben, on a inventé ça. On faisait ça. On a inventé ça depuis bien avant 14 mois, nous autres. Il y a deux semaines après que l'anglais et le français soient inventés, Tommy était là. Ben oui. Même nous autres, moi, en fait, mon classique, c'est de faire Misery de Soul Asylum en français. Oh my god. Ils disent que la misère cherche la compagnie, puis tout, en tout cas. Pas pire. Essayez pas ça, c'est à moi. OK, merci. Là-dessus, je pense qu'on peut passer au prochain. Hein? Ben, je pense que oui. Let's go, Mateluna. Hey! Hey, Tommy Godet! Tommy joue à Magic. Mais t'auras jamais mon pruneau. Allô, Tommy! Oh, yeah! Hey, vous en connaissez, en tout cas. On s'en reparle. Moi, personnellement, c'est « Verse du sucre sur moi au nom de l'amour ». C'est vrai. Salut, Étienne. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu comme chroniqueur. Oui, j'ai été malade comme un chien. Grosse gastro, je vous passe les détails. D'ailleurs, parlant de chiens... On salue tes enfants. Ben ouais. Ils ont été malades, eux autres aussi, mais chez leur mère. Chaque victoire, c'est une petite victoire. Ah oui, il n'y a pas de petite victoire, c'est tout. Pas de petit profit. Hey, puis ma bière s'en vient, je ne serais pas obligé de parler pendant que tu fais tes affaires. Si hey, je vais en prendre un autre, tiens, un coup parti. Non, Hey, j'ai toujours rêvé de dire ça, mais... Merci, you're gay. Take it away. J'ai besoin d'un beat. On peut-tu donner du jus au Osben? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le grand roi avait réussi. Sous sa bannière, tous les peuples étaient unis. Il devait son succès à sa meilleure amie. La grande prêtresse qui jamais ne l'avait trahi. Ses prédictions l'avaient toujours bien servi, car avec précision, tout s'était accompli. Mais voilà qu'aujourd'hui, elle était triste. son augure sera des plus pessimistes. Quitte mon temple sans maudire, grand monarque, car mes prochaines paroles engendreront ton massacre. Le pouvoir des dieux, tu as abusé. Si tu en demandes plus, tu seras effacé. Le souverain, par cette prédiction inquiété, voulut savoir ce qui ruinerait sa prospérité. Et sans réfléchir davantage, il mit en mouvement les engrenages. Parle de suite! Il lui cria. Et de funestes paroles, elle l'accabla. Quand l'étoile du matin sera supernova, viendra au monde l'enfant Oméga. Le roi prit de panique, convoqua alors tous ses ministres. Il faut empêcher ce futur des plus sinistres. Les assassins furent engagés, les femmes enceintes au fil de l'épée furent passées. Mais la prophétesse, son augure, ne changea point. Elle ajouta que rien n'arrêterait la venue de l'ultime bambin. Au feu, elle fut envoyée, la punition pour son sombre épilogue. Il ne restait d'elle plus rien, sinon un triste smog. Le monarque fut venir de puissants astrologues afin de terminer combien de temps peut-il rester. Mais aucun d'eux n'avait savoir d'une étoile du matin, et encore moins quand cette dernière sera éteinte. Ils conçurent terre alors le livre interdit. Hélas, ses pages étaient toutes décrépies. Il n'était plus bon qu'à nourrir les souris. Le désespoir s'empara de la populace. Le chaos s'installa avec une force tenace. Le peuple pillait tout ce qui brillait et violait tout ce qu'il pouvait. Le souverain envoya son armée, mais peine perdue, cette dernière s'était débandée. L'émeute dura ainsi toute la nuit. Le matin venu, le monde était à l'agonie. C'est seulement alors que Sa Majesté comprit. L'étoile du matin n'était nul autre que le soleil. Et ce n'était de son manque de confiance. Son empire aurait perduré jusqu'à la fin de l'existence. C'est bon. Merci, Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Vous abrissez, hein? Le célèbre Dark Vador. Oui, oui, très sombre Vador. Le Dark Vador. Le Dark. Il y a quelqu'un au bureau où je travaille qui a un Bouddha, que la face, c'est Darth Vader. Puis là, je l'ai appelé Bouddharth Vader. J'ai trouvé ça très drôle. J'en parle live. Fait que c'est sûr que t'as trouvé ça drôle. Il y a des filles. Hey, t'as pas un pruneau pour vrai, Amniaise? Ok, elle n'a pas un pour vrai. Mais c'est comme ça, il y a des choses cruelles. Parce que, je pense qu'il y a quelque chose que t'as pas compris, par exemple. Je te le prête jusqu'à c'est ta mort. C'est pas ton Bruno. Ouais, c'est mon Bruno. Ouais, c'est ça la part. Il y a eu un problème dans la distribution non, et tu es une des victimes. Ah oui, c'est non, Tommy! Fait que, enlève nom de ton vocabulaire. C'est ça la campagne de course. La campagne de course. Enlève, ça enlève nom de ton vocabulaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au camp course? Les filles. On va-tu répondre à cette question-là un jour? Ben, je pense qu'on est rendu au bout. Là. OK. Non, c'est pas vrai. On n'a rien compris de la Coors Light. Ah, Seigneur. Ça goûte pas bon, puis le monde, ça saoule même pas. Faut que tu te l'injectes, genre. Il devrait mettre des seringues avec. Un tampon. Un tampon avec. Ben oui. Tu sais, tu peux mettre un tampon dans n'importe quel trou, là. Dans ta bouche, par exemple? Hey, j'en vois. Toi, Vincent... Oui. Oui, t'es-tu prêt à passer au prochain chroniqueur? Absolument. Je me suis dit que j'avais aucune question à te poser. On est de même. Non, mais écoute, on a bondé, là. C'était ça l'important. C'est ça qui est cool. Là, je pense. Ah, tabarnak, c'est vrai. OK. Là, en fait, premièrement, on va te demander de nous faire un indicatif à 70%, s'il te plaît. Un indicatif. Ouais, salut, je m'appelle Vincent Descoteaux, puis joke, 70%. Ce que je veux, là, c'est que dans ce que tu vas dire, il y a Vincent Descoteaux et 70%. Tu peux mettre les mots que tu veux autour, puis ça peut prendre 30 secondes maximum. 5, 4, 3, 2, 1, pas de pression. Salut, moi c'est Vincent Descoteaux. Ben, les condoms, je pense que ça devrait être considéré comme comme l'égal des autres sortes de vêtements. Parce que les condoms, c'est un peu comme les mannequins. Tu sais, genre, des fois, il y a des mannequins qui se font vomir pour rentrer dans leurs vêtements. Puis les condoms, tu sais, on les met pour faire vomir nos pénis. Tu sais. Un pont large de même. 70 à 70%, vomir à 70%. Et voilà, merci, il l'a fait, c'est bon. Hey, mais je pense que c'est bien de présenter ça comme ça. Ouais. T'as 30 secondes, faut que tu dises ton nom et 70%, let's go. Mais moi, on oublie souvent 70%. Oui, et sinon, tu joues pas à Magic? Non, malheureusement. Ok, on passe au prochain, s'il vous plaît, Matéluna, merci. Prochain chroniqueur, il est où, il est où, il est où, il est là, ouais! Quand il est pas là, c'est parce que c'est moi. Ah, Bruno. Ah oui, on se termine ça avec des nouvelles. Un homme de Lakeview est entanné de ses voyants... D'ailleurs, tu peux reprendre ton souffle. Moi, il y a une affaire qui me chicote, là. Notre invité, pendant qu'il check. Toi, tu joues pas à Magic, tu joues à quoi? À Yu-Gi-Oh! Calice, dude! Non, on l'applaudit pas, s'il vous plaît. Hey, là, voyons. Là, t'es grand, t'es beau, t'es fort, t'es jeune, et tu choisis que Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que j'ai dit? Ben... Comme je l'ai sous-entendu depuis le début du podcast, j'ai une appréciation pour les malaises, puis j'adore Yu-Gi-Oh! Pour à quel point, genre, ils ont créé toute une émission sur plusieurs saisons qui n'a aucun calice de rapport avec le jeu. À quel point, genre, toutes les émissions, c'est juste du monde qui parle pour faire du filler, puis des games de cartes basées sur des règles qui n'ont rien à voir sur comment ça se joue dans la vraie vie. C'est genre... Et c'est bon. Le jeu de cartes ou l'émission qui est bon? Un intéressant mix des deux. C'est y en a un qui est plus appréciable quand t'es sous, mais sinon... C'est lequel des deux, le jeu de cartes? Ah, l'émission. C'est full complexe, le jeu. Genre, vrai, c'est fucking nice. C'est des monstres qui se battent avec des caractéristiques fucking simples. Il y en a qui sont fucking cartoonesques, puis il y en a d'autres genre qui hantent mes cauchemars. Genre, c'est... Ça a meublé beaucoup de mon existence, Yu-Gi-Oh! Que je te vois, il me juge. Toi, t'es un joueur de Yu-Gi-Oh! Tu pourrais me montrer ça, genre. Ouais, je pourrais te montrer après ça. Après ça, je pourrais te faire rentrer dans la adulthood en te montrant un joueur Magic, genre. Oh my pourrait, god. On pourrait se prêter ça, genre. Voudrais-tu qu'on parle de ce qui se passait à Rodin avec le monde de Magic? Non. Let's go, Bruno! Amène-nous dans le monde de l'univers pour finir l'émission. Oui, un homme de Lakeview est entanné de ses voisins brillants après plusieurs plaintes à son propriétaire, Alan Q. Clay. Un architecte de 29 ans a décidé de prendre les choses en main et de se faire sa propre loi en envoyant de l'urine sous la porte de ses voisins bruyants. Lorsque cette mesure a cessé de fonctionner, l'homme est passé au grand moyen en envoyant des excréments liquides sous la porte de ses voisins bruyants. A cessé de fonctionner. Oui. Les voisins ont appelé la police qui ont arrêté l'homme. Lorsqu'interrogé, l'homme a affirmé que l'urine était son seul moyen de communiquer avec ses voisins. Lorsqu'on lui a demandé « Puis pourquoi la marde? » Il aurait répondu « Il fallait que je monte les enchères. » Ben oui, c'est l'escalade de la violence. Ouais. Numéro 1, numéro 2. C'est ça. Notice me, senpai. La prochaine fois, c'était quoi? Tu le sais, c'est quoi le numéro 3? On le sait, c'est quoi? L'a demandé d'arrêter, s'il vous plaît. Let's go next. Joseph Murphy, 20 ans, a appelé la police afin de demander un chien policier pour l'aider à retrouver ses effets personnels volés. Lorsque la police lui a demandé quels étaient ses effets personnels, l'homme de l'Ohio a affirmé « Elle m'a volé mon héroïne! » Lorsque les policiers sont arrivés sur place, l'homme a changé son histoire affirmant que la femme avait volé de l'argent. Ouais. Et bafouillant quand les policiers ont mentionné l'héroïne. C'est une héroïne qui a volé mon argent. Ouais. Vous m'avez mal compris. L'homme aurait par la suite sorti une substance brune et cireuse de ses poches qui a été confisquée. Les résultats des tests devraient sortir bientôt et l'envoyer en prison pour possession de narcotiques. On s'en va à Cleveland maintenant, où un homme de 39 ans faisant face à une accusation mineure de non-respect du code de la route a échappé son sac contenant une substance blanche et poudreuse alors qu'il fouillait dans ses documents. Beaucoup de dope cette semaine. Ouais. Le sac n'a pas été remarqué lors de l'audience et a été retrouvé une heure plus tard, mais une caméra de surveillance à l'intérieur du tribunal montre bien que Lemar Reed est celui qui a échappé ce sac dans lequel se trouvait, bien sûr, de la cocaïne. L'homme fait maintenant face à des accusations de possession de narcotiques. On est fiers. Ça arrive quand même semi-souvent qu'il y ait du monde vraiment... qui amène de la drogue. Qui amène le dope à le procès pour avoir eu de la dope. C'est... c'est... Faut vraiment, c'est vraiment une catégorie spéciale de crise de cave, ça, c'est... Voyons, t'as pas d'amis, genre, tu sais, cache ça dans ton... Laisse-la dans ton char, tu sais, Il l'a oublié dans son... Il l'avait mis dans ses feuilles de papier. Notamment. Il l'a oublié dans ses feuilles de papier. C'est ça. Là, il a ouvert ses feuilles de papier. Hop! C'est ça. Il y a des gens qui slow clap. Ah oui, vraiment, c'est quand même assez... Quand tu veux passer plus de... Finalement, on s'en va à Indianapolis où un entrepreneur local veut transformer un terre-plein placé entre deux échangeurs très achalandés en lieu de réunion et de communion pour les citoyens de la ville. Tom Batista, ancien gérant de salle de Jimmy Buffett, transformera cet endroit en une place où les gens peuvent s'asseoir et dans des gradins et regarder passer le trafic. Une clôture sera également érigée afin d'empêcher les gens de traverser l'autoroute à pied pour ceux qui se souciaient de la sécurité. L'homme affirme que les gens seront grandement attirés par cette attraction qui leur permettra de relaxer en regardant le monde stressé pogné dans les embouteillages. Ça, je veux des nouvelles là-dessus. Dans le futur. Ça, c'est quand même... Je pense que c'est peut-être un début de bonne idée. Ça, c'est... Ça me fait penser aux Simpsons, là, quand Bart, Homer, il fait le trajet, il est jamais dans l'autoroute, puis là, il se parque dans le fond du stationnement, puis là, Bart fait « Salut, Homer! » Puis là, tu sais, Homer vient de sortir de ça. Esti de calice, man, de toute beauté. Merci, Bruno. Avec plaisir. Merci, Bruno Corbin, wow. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Aïe. Vincent, oui. Avant de finir ce 70%, de te laisser le contrôle... Et juste avant de laisser Maté Luna nous envoyer quelques chansonnettes, j'aimerais ça que t'es-tu 2.0, mettons, je vais me tenir au courant de la décotosphère, là, tu sais. Oh my God. Le décotoverse. C'est t'sais. Mon mot inventé préféré. Ah ouais. Ben, c'est parce qu'on l'a inventé depuis longtemps à cause de David Décoteau, le réalisateur de... Mon bire ennemi, j'aurais dû dire lui. T'es-tu à l'aise en bédaine, pas de poils? Ah, c'est drôle ce que tu dis ça. Je me suis rasé le chest il y a 3 jours pour un show de drag queen. Fait que non. C'est encore nouveau pour toi, mais j'aime ça, un décoteau pas de poils. Et mais ben... là, ça veut dire que pour te rejoindre, mettons, Facebook, t'as-tu un... Ben, je suis au moins dans ma carrière où ce que vous pouvez juste m'adder parce que c'est pas mal ça qu'il y a. Je mets des photos sur Instagram des fois. Je peux-tu plugger un projet qui a rien à voir avec l'humour, étrangement? Non. Tu vois, ça aurait pris moins de temps d'en parler. Que... mais je peux-tu, super rapide. Ben, attends, là, ça fait 2 fois que ça aurait pris moins de temps d'en parler que de te poser la question. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec le « Il va nous apprendre quelque chose, tout le monde? » C'est un projet avec des gens motivés dedans, pis ça a l'air d'être des Québécois. Fait que... Attends, redemande-moi une troisième fois qu'on fasse un tour du chapeau, s'il te plaît. Fait que écoutez, il va y avoir une web-série cet été bien nice. C'est des road trips où ce que moi, Coco Béliveau, puis un dude que vous connaissez pas, qui se promène à travers le Québec pour vivre des affaires. C'est un peu comme La Petite Séduction, mais sur le moche. Là, t'as scoré public cible, dude. Je sais, c'est le fun comme drogue. Mais... comme mon pitch de vente, c'est ça, on n'a pas d'argent, fait que je fais une soirée de financement au Catacombe le 13 mai, où ce qu'il va y avoir le band Hommage aux Colocs, passe-moi la POC, fait que si vous aimez les Colocs, c'est nice. Ou c'est... les bands d'hommage. Ouais, les bands d'hommage, les deux, les hommages, le respect, tout ça. Donc, il va y avoir ça, Maxime Gervais qui fait la première partie, comme un des deux gars des Picbois, qui est bien fin, qui fait de la bonne musique, puis ça nous permettrait de financer un énorme trip de route et de moche, donc... Si ça vous tente de venir, ça va être un bon show et une bonne série. Merci. Et je fais voilà. Des shows des fois aussi. C'est comme le pinacle de ton 14 mois. Là, ouais, en plein ça. Tu fais 14 fois 30 jours que tu travailles. Toutes les humoristes là. Font ça après 14 mois. Genre, ils font tout un show, ils font tout du monde. Comme les Migos en Inde, mais toi, c'est absolument. Là-dessus, ben, je pense qu'on s'en va vers Maté Luna. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aux techniciens. Merci aux chroniqueurs. Merci Bruno. On écoute Maté Luna pour deux chansons. Puis on s'en va vivre une décotoisation. Madame et messieurs, mon Bruno. Mon. Son Bruno. Salut, on est là. On est là, on va jouer des chansons qui sont sur le CD qu'on a en vente avec nous. J'ai trop de reverb dans la voix. Est-ce que je peux avoir moins de reverb dans la voix? Celle-là s'appelle Les Vieux. Je voudrais la dédier à Serge Fiori. Salut. Père aime le bon vin, le fin fromage et beau dommage. Il vit dans le mondain, se dit modeste et d'avant-garde. Il fume de temps en temps un petit joint avec ses enfants quand les soirées s'arrosent de champagne et de scotch de 30 ans d'âge. Il aime la belle jeunesse, porte un carré rouge sur sa veste, enseigne à l'université l'histoire de la littérature. Il déblatère et déblatère, sa tête sur peau de l'air à ses pères, sa tête pleine d'air, que pourrait-il faire d'autre? Dire du vin. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un de très à gauche, voyez-vous. Réjeanne vit en banlieue, d'aussi loin qu'elle puisse se rappeler, est diplômée de l'HEC, prospère depuis bien des années. Elle adore Florence Cosse et vante à toutes ses petites amies qu'elle est ouverte à la culture des autres pays. Vous comprenez? Elle aime les livres, surtout Marie Laberge et Marc Lévy. À son club de lecture, c'est toujours elle qui parle le plus. Elle voyage fréquemment au Brésil, en Grèce, au Liban, prend des photos des enfants pauvres qu'elle affiche fièrement sur son frigo. L'avenir, eux, ils sont passés. C'est triste à dire, ils vont tous y passer. Mais quand même, c'est pas si pire quand on pense qu'à 30 ans, c'était eux le futur. Et regardez-nous maintenant. Roland travaille au noir, traîne assidûment dans les bars, adore le sport, la musique rock et tout ce qui a trait à son char. Il a eu des problèmes de coke au milieu de la vingtaine, en fait toujours régulièrement, apparemment juste pour le fun. Il parle politique à la taverne avec ses chums de temps où les péquistes avaient de l'allure. Comme il le dit, c'est bien, dans mon temps c'était mieux, je te donne raison mon vieux, dans ton temps, mais maintenant c'est différent. C'est grâce à qui? Et nous là-dedans, est-ce qu'on sort de l'eau? Faitons ce qu'il faut, ou sommes-nous fautifs? Des mêmes erreurs que les fils d'antan. On en reparlera. Les lèvres aussi bien qu'ils le peuvent dans un trou et demi à Verdun. Toujours fauché entre les factures et les chèques, le fossé est toujours plus creux, le revenu toujours aussi mec. Ils aiment bien faire la fête, enchaînent les mots de tête, sans tête, sans cesse à vivre à fond, sans tenir compte du flot qui dépend d'eux. Ils voudraient être jeune pour toujours pendant que le jeune vieillit et qu'il devient la réplique exacte de ces vieux. À nous l'avenir. Dans le passé, à nous l'avenir, ils sont. nous l'avenir, eux ils sont passés. C'est triste à dire, ils vont aussi passer. Mais quand même, c'est pas si pire quand on pense qu'il y a 30 ans. C'était eux le futur, regardez-nous maintenant. Ok, merci beaucoup. C'était tout pour ce soir, à moins qu'on en fasse une autre. Ouais! Un peu plus fort! Ouais! On en fait une autre! Celle-là est nouvelle. Ben oui, il faut, tu sais, il faut jouer la game. Non, elle est pas sur l'album. Malheureusement, elle est peut-être sur le prochain. Je pense que oui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est tellement exclusive qu'il n'y a même pas de titre. Parce qu'on est professionnel comme ça. Il est mort, mort, mort à l'intérieur. La luxure et le désir lui ont dévoré le cœur. Il est mort, mort, mort depuis longtemps. Son sourire est un fantôme, rien qu'une ombre vacillante. Il veut vivre, vivre, mais à quoi bon se mentir? Chaque fois qu'il sent quelque chose, il finit par l'engourdir. Il est ivre, stone, six pieds dans les airs. Son amour est un soupir enseveli sous la terre. Oh, oh, oh. D'année en année, la vie passe sous son nez sans qu'il puisse la ressentir. Il la voit, la touche, sans jamais l'embrasser. Il ne peut que l'espérer sans en ressentir le souffle. Il est vide, vide, dénué de substance, sans essence et sans saveur, piégé dans sa délivrance. Il est libre, libre, complètement délivré des promesses insipides de l'avenir et du passé. Encore une fois. Sachez rester sur vos gardes, car leur lueur est un leurre. Quand une âme est infâme, elle doit nourrir sa flamme, à même celle des autres. Il a faim, il a soif pour une vie comme la vôtre. Il est mort, mort, mort à l'intérieur. Sa luxure et son désir vont vous dévorer le cœur. Il est mort, mort, mort à l'intérieur, sa luxure et son désir vont vous dévorer le cœur. Il est mort, mort, mort à l'intérieur, la luxure et le désir lui ont dévoré le cœur. Il est mort, mort, depuis longtemps, son sourire est un fantôme, rien qu'une ombre vacillante. Oh, oh, oh. Maillot qui part sur une impro. Ça a été un plaisir. On reste ici pour le film qui s'annonce vraiment, vraiment particulier. On a eu bien du plaisir. Alors on se dit à la prochaine. tout de suite après cette petite élucubration musicale. Mettez Luna, mesdames, messieurs, s'il merci. Vous plaît! Sacre fils que... Merci. Merci. Toi, t'as ouvert une discussion, ouais, c'est ça. À partir de maintenant, je vais laisser le contrôle à Vincent Descoteaux, quelqu'un qui est encore disponible sur Facebook. Mesdames et messieurs, Vincent Descoteaux, s'il vous plaît. Allô? Comment ça va? Fait que je parle depuis une heure. Est-ce que vous m'aimez? Ah, oh, c'est correct, comme ma famille. Ah, oh, t'es fin. Et pelaï. Hey, je vais vous donner un choix, parce que moi, je crois en ça, l'humour participatif. Sérieux, deux choix. Soit je parle d'alcool, soit je parle de culture du viol. On va y aller un à la fois, parce que vous n'êtes pas discipliné. Hey! Discipline! On va y aller un à la fois parce que vous n'êtes pas discipliné, effectivement. Donc, ceux qui votent alcool, faites du bruit. Ceux qui votent culture du viol. Oh my fucking God, il a jamais gagné, celui-là. Alright. Si moi d'envie, moins tu baises, plus que t'en parles. C'est pour ça que je suis jaloux des muets. Moi, je regarde aller et je suis comme « Yo! » Toi, tu fais pas juste des signes avec ces mains-là. Vous savez ce que ça veut dire, ce signe-là? Ben, ça peut vouloir dire ce que tu veux. Moi, je connais un gars qui est pas muet, en fait. En fait, ce gars-là est probablement pour le sexe, ce que le blog est pour le journalisme. Beaucoup d'opinions, aucune référence. T'es le genre de gars qui se fait dire non 200 fois en un soir, puis 200, c'est pas un nombre fictif, c'est la capacité du bord dans lequel il se trouve. Ah ouais, il est lourd. Puis le pire, c'est qu'après chaque fois, il se fait dire genre, bah. C'est pas de ma faute si je pogne pas. Les filles aiment pas ça, les bons gars. Ben oui. Être nice, ça turn off. Les filles aiment pas ça, les bons gars. Tu sais la phrase qu'un bon gars dira jamais? Parce que ça veut dire, cette phrase-là, genre, je t'ai payé un verre, j'ai pas eu mon job, je suis une victime? Bref, ce gars-là est un homme à marier. Fait que, ben j'y parle pas trop à ce gars-là, parce que si j'y parle trop, je vais m'attacher, puis ça va être triste quand il va être en prison. Mais l'autre fois, il vient me voir et il me dit genre « Hey Vincent, c'est quoi le truc pour se get des chicks? » Ben, ne pas dire « chicks » pour commencer. Tu sonnes comme celui que personne aimait dans Ramdam, là. Le truc. Il n'y en a pas de truc. Tu sais, je veux dire, cruiser, là, c'est se témoigner du désir avec élégance. C'est pas de quoi que t'apprends comme t'apprends à genre ouvrir une bière avec ton lighter, là. Parce que si c'était le cas, ben les bières, ce serait comme les femmes. Elles seraient toutes uniques et seraient toutes ouvrir de manière différente. Il y aurait des bières qui aimeraient les mots doux, d'autres bières qui aiment qu'on leur tire les cheveux. T'aurais des bières qui demanderaient jusqu'à 5 rendez-vous avant de se laisser ouvrir. Puis t'en as d'autres qui suffiraient d'effleurer leur bouchon pour qu'ils t'explosent dans les mains. Et ces bières-là méritent notre respect. Que je vous voie y faire du bière shaming. Il y aurait même des bières, en passant, qui ont l'air de vouloir qu'on les ouvre, mais qui sont juste trop pleines d'alcool pour vraiment savoir ce qu'elles veulent. Et oui, celle-là fait rire et réfléchir. Grande question, ceci dit, comment séduire les filles? Ne mets pas de axe. Ben, c'est l'enfer, effectivement. Ou en fait, n'importe quel produit qui te promet la sexualité d'un sultan. Parce que, tu sais, ces produits-là, ça objective la femme. C'est très rare une fille d'âme pour du sexe quand ton odeur sous-entend que tu ne la respectes pas. C'est un fucked up produit Axe. J'ai déjà vu un itinérant en train de sniffer une canne dans un sac en plastique. Ça l'a pas buzzé, mais ça l'a rendu sexiste. Et moi, je rêve de rencontrer le président Axe juste pour lui dire genre « Salut, Satan! » Vous savez qu'il existe du Axe pour femmes? Oh ouais, la canne est rose parce que sinon, comment qu'on le saurait? Et pas de joke, il s'appelle Axe Provocation. Ou en anglais, « You ask for it ». C'est horrible. Même maintenant, quand on me dit genre « Yo, la culture du viol, ça existe pas », ben je peux répondre « Oui, check, ils en vendent aux gens coutus ». Sinon, un des rares trucs que je connais, les gars, quand vous marchez dans la rue et vous croisez une fille, dans 100% des cas, rien lui crier, c'est un plus. Merci pour la demi-clap. Parce que premièrement, comme le dit le très vieux proverbe, toute vérité n'est pas bonne à dire ou à crier en pick-up les fenêtres baissées. Et sinon, je vous l'annonce, ça n'existe pas une histoire d'amour qui a commencé avec du harcèlement de rue. Genre de quoi comme « Papa, papa, raconte-moi comment tu as rencontré maman! » C'était l'été. Elle portait des shorts, puis je l'ai traité de slot. Puis ça fait 35 ans qu'on est heureux. Non, ça n'existe pas. Le pire, c'est que ces gars-là se justifient. Ils sont genre, man, c'est des compliments, là. Moi, j'aimerais ça qu'on m'en fasse des compliments dans la rue. Ben, j'ai vérifié. Pas dans la rue, par contre. Ça fait 2 mois que quand je vais aux urinoirs, je complimente des inconnus sur leurs glands. Et c'est le cas de le dire, je suis flatteur. Même, il y en a qui sont mal à l'aise. Genre, ils sont comme, yo, t'as-tu fini de des affaires vraiment nice sur mon pénis? Ben, calme-toi, bébé, là. C'est juste des compliments. Bon, c'est sûr, je pourrais garder ça pour moi, mais je suis un gars. Puis de ce qu'on m'a dit, je suis pas capable de me retenir. Au pire, t'as un peu couru après, là. T'as été pissé. Vous voyez ce que j'ai fait là? Fait que bref, ce gars-là baisait pas autant qu'il voulait et je trouvais pas ça triste. Mais j'ai quand même donné le seul vrai truc que je connais. Mettons genre que tu marches dans la rue, là, puis qu'il y a une super belle fille qui marche vers toi. Bombe le torse. Elle a l'air confiant et ne lui parle pas, là. C'est une fille, elle a connu l'été, tu gagnes des points d'originalité si tu lui crisses patience. Passe ton chemin. Puis après ça, dans un meilleur contexte si possible, juste du respect. Parce que comme elle l'a déjà dit, un grand penseur, je me souviens plus si c'était Jésus ou Tupac, là. Bitches love respect. Merci. Un intéressant moment où je réalise qu'il me reste plein de temps. Normalement, le numéro se finit là, mais je peux-tu essayer quelque chose avec vous? Non! Je vais briser le quatrième mur, je vais faire de l'humour méta. Je vais vous contextualiser le numéro que je viens de faire. Ce numéro-là, en fait, genre, il m'a appris quelque chose, parce que ça fait certains temps que je le fais, et un numéro peut nous apprendre quelque chose. Et moi, ce qu'il m'a appris, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de cruiser. Il y a juste plein de façons de mal le faire. Et ça, c'est lié à un phénomène très simple, c'est quand tu désires quelqu'un, t'es con. Et si t'es un douchebag à la base, pour vrai, les possibilités sont infinies. Et moi, en fait, je voulais faire ce number-là avec un minimum de respect. Par conséquent, je voulais juste utiliser des vraies histoires, en fait, de gens qui se sont fait mal cruiser. Et je n'ai pas pu utiliser ma vie parce que je me suis fait très bien cruiser dans la vie. Bravo, les filles. Vous êtes toutes médaillées d'or dans les Olympiques de mon cœur. Fait que, bref, en fait, j'ai juste utilisé des témoignages de filles qui se sont faites mal cruiser. Et d'après vous, combien de filles il a fallu que je questionne pour avoir assez de stock pour faire un numéro? Ça se veut un punch, mais tout le monde le devine. Ouais, une. Je pensais que ça me prendrait genre des mois pour être capable de trouver assez de matériel pour faire ce numéro-là. Finalement, ça a juste pris genre un après-midi, un pichet de sangria et une dénommée Rachel qui m'a compté son été. Et pour vrai, je pense que j'ai assez de stock pour meubler ma carrière. Pour vrai, c'est l'enfer. On dirait que ils ont comme essayé de répertorier toutes les façons poches de cruiser, puis ils ont tout essayé sur Rachel. Pour vrai, c'est fucking l'enfer. Fait que juste pour vous, parce que je vous aime, je vais vous faire le top 4 des façons de cruiser les plus douteuses qui ont été essayées sur Rachel. Numéro 1. Ça arrive beaucoup depuis que je suis humoriste. Fouiller dans ma liste d'amis Facebook, la trouver, l'AD, mais pas ma D moi. Première question, pourquoi tu veux pas qu'on soit amis? Et deuxième question, man, t'as fait toute ma liste, là, j'ai 1000 amis, tu l'as identifié à travers sa photo pour lui parler alors que tu ne la connais pas, tout ça pour le privilège d'être weird. Et ça, tu l'as fait dans un monde où Tinder existe. Wow! Surtout que c'est tellement sexy, un gars que tu connais pas qui te parle à 2h du matin sur Facebook. Genre, hey, salut, tu es sympathique, point d'interrogation. Écoute, non. Et en ce moment, c'est ta faute. Deuxième, qui est arrivé deux fois d'ailleurs. Lui proposer de l'argent ou des biens à ses parents afin de l'acheter. Ouais, parle-moi de ça, un gars qui change pas de pick-up line en 2500 ans. Wow, man. La deuxième fois, c'est ma préférée, c'était au Maroc. Elle se promenait avec son père. Il y a juste un monsieur qui a crié genre « Yo, monsieur! Monsieur! Votre fille pour mon fils! Je vous offre 3 chameaux! » Mettons qu'il aurait dit oui. Comment t'expliques ça à ta femme après? « Ben écoute, mon amour, Rachel ne fait plus partie de nos vies, mais regarde ces 3 beaux animaux! » Ben non, pour vrai, c'est chill. Rachel le vit bien. En fait, elle l'a mis sur son CV. Genre, maintenant, tu peux lire, genre, « Principal défaut, je suis perfectionniste, mais principale qualité, je vaux 3 chameaux. » La dernière ne contient... La troisième ne contient aucun punch, à part le fait que c'est arrivé pour vrai. Aller dans le même bar qu'elle, lui voler sa sacoche pendant qu'elle est aux toilettes, utiliser ses clés pour rentrer dans son appartement par effraction, mettre 12 de roses sur sa table de cuisine, payer avec sa carte de crédit. La joke là-dedans, c'est le monde dans lequel on fucking vit. À quoi t'as pensé, man? Genre, ah, oh, c'est sûr que c'est du vol, mais si c'est vraiment le grand amour, mes parents vont rembourser au mariage comme cadeau, là. Seigneur Dieu. Puis la dernière, qui est plus commune, mais que je trouve quand même important d'adresser, est-ce qu'il y a des garçons dans la salle? Oui, il y en a plein, OK. Guys, tous les hommes de la Terre, il n'existe en ce monde aucune belle photo de pénis. Fait que, en tant que consensus... OK, bon, dans ce cas-là, mais... OK, je vais quand même finir ma joke parce qu'elle a été comme ça. Et je crois que si on essaie de prouver que oui, en envoyer à des inconnus, c'est pas la solution. Pour vrai, c'est la pire sorte de selfie. Je veux dire, c'est simple, c'est une question d'angle, une selfie. C'est genre comme « nice, nice, nice ». Qu'est-ce que tu fais? Puis pour vrai, arrêter, parce que moi et Rachel, en fait, on a fait une genre d'entente. Maintenant, quand quelqu'un lui envoie une photo de son pénis, on répond avec une photo du mien. Et pourquoi j'ai accepté de faire ça? Ben, parce que je trouve ça fucking drôle que tous les pervers de Montréal aient un point commun, puis que ce soit mon bat. Puis pour vrai, arrêtez. Merci, full. Mais arrêtez, parce que quand vous allez plus loin, parce que oui, il y en a qui insistent, puis ça arrive pour vrai, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur tes infos Facebook, on trouve le profil de ta mère, et on écrit à cette charmante madame, « Excusez-moi, madame, est-ce que vous reconnaissez ce pénis? » « Ah, mais bien entendu, je reconnais ce pénis. J'ai construit ce pénis. » Est-ce que ça vous dérangerait de chicaner ce pénis, s'il vous plaît? Parce qu'il le mérite. Normalement, 2 semaines après, on reçoit une lettre d'excuse qui contient beaucoup moins de fautes que les premiers messages. Puis 12 de muffins, parce que c'est ça que ça fait une mère qui est gênée de sa progéniture. Vous avez été excellent. Bonne soirée. Vincent Descoteaux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, donnez-y, là. Sa mère a travaillé fort là-dessus. Ça veut-tu dire que si j'envoie des photos de pénis à des Rachel, à un moment donné, je vais avoir le tien? Il a dit « Check pas ma liste d'amis sur Facebook ». Et ce nonobstant, il vous invite à aller l'adder sur Facebook. Merci, tu peux aller t'asseoir, on n'a plus besoin de toi. C'était l'invité de la première partie de la soirée. À partir de maintenant, on va tomber dans la deuxième partie de la soirée. C'est un privilège à chaque fois de pouvoir annoncer qui est le VJ. Et ce soir, encore une fois, je suis très content de passer la POC à 2 personnes d'expériences différentes et d'enveloppes corporelles totalement antagonistes. On a... ils sont-tu là? Ils sont prêts à commencer? Tommy Colin-Vallée, mesdames, messieurs, Tommy Colin-Vallée et Étienne Visqueux, la pointe. C'est ça, va t'asseoir, je parle au micro, là. Bonsoir. Donc, dès que je finis de parler, lui va dire bonsoir à tout le monde. Merci, Tommy, let's go. Merci beaucoup. Avec ces beaux compliments-là, je suis venu dans mes shorts. Bonsoir à tout le monde! Ce soir, j'ai quelque chose pour vous, parce que je vous aime, moi. J'ai fait un petit effort, quand même. J'ai mis du lettrage sur mes vidéos. Mais j'ai pas trop fait d'efforts pour donner l'exemple. Alors, à soir, on a une belle brochette de sensualité pour vous. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Je pense qu'on va commencer la soirée. Bienvenue, mon nom est Tommy Godette. Je vais être votre animateur, votre hôte pour ce qui va commencer. Encore une fois, le meilleur show gratuit du lundi au monde. On remercie le brouhaha et on remercie beaucoup les gens qui nous écoutent en ligne. Ouais. Un travail de maître de Alexandre Larocque et de son sous-fifre homoncule Steph Palette. Non, il est pas lettre dans le sens, c'est pas lettre. Non, Steph Mallette et Olivier Godette, bien entendu, les trois techniciens sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Encore une fois, je pensais à ça tantôt et l'année passée, à la même date, on est en train de monter pour la fête du jambon qui avait été le 8e anniversaire de Douteux. La fête du jambon, tout le monde le sait, c'est international, c'est le 25 mai. Et voilà, ça va être le 9e anniversaire de Douteux qui s'en vient. Et l'année passée, à la même époque, on n'avait pas de house band. Et ce soir, on en a un sacré, c'est-à-dire Maté Luna, s'il vous plaît, allez voir le bandcamp. Maté Luna est avec nous. Et l'année passée, à la même époque, on n'avait pas d'artiste visuel qui peignait en même temps. Ah oui, ça, on en avait une. Mais là, on est rendu avec une autre. Et s'il vous plaît, ben, hein, on peut regarder. T'es en train de nous faire un poulet humain, Pascal de Sucrose Collective. Salut Pascal, merci d'être avec nous, de toute beauté. Et sinon, ben voilà, la soirée va se terminer sur un long métrage qui nous vient d'Europe profond. Ça s'appelle Argoman et c'est un film, une collaboration italo-française-anglaise. Ils sont vraiment allés chercher ce qui était de plus kitsch et qui était pour vieillir le moins bien dans chacun des trois pays à la culture millénaire pour nous offrir un nectar très très dense de Christ, que c'est qui se passe, t'sais. C'est un film qui nous date de 1967 et le héros, à toutes les fois qu'il se transforme, en fait, les deux fois qu'on le voit devenir, mettons, Clark Kent devient Superman, il a besoin d'une boîte téléphonique ou d'aller en dehors du cadrage, tu sais. Mais le héros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pogne son habit de milliardaire, puis là, il commence à le déchirer de même. Et donc, c'est vraiment drôle de penser que le héros, pour se transformer, doit ruiner un habit à plusieurs dollars. Hein? Écoute, la justice, puis tu le vois que c'est lui. Voyons, Chris, garde ton linge. En tout cas, c'est Argoman, je vais en reparler plus longuement un petit peu plus tard dans la soirée. Juste avant ça, on a deux VJ pour vous. C'est comme le grand gros et le petit maigre. Fait qu'il n'y a pas vraiment de concept. Ah oui, il y a Dominique et Martin. Leur spécial. Ah oui, hein, leur spécial de 98. C'était nouveau comme humour, c'était rafraîchissant parce que pendant une heure et demie, le gros faisait des jokes de gros qui est gros et le gros faisait des jokes de petit qui est gros et le gros faisait aussi des jokes de petit qui est petit et le gros faisait aussi des jokes de gros qui est petit. Et donc, on avait vraiment quelque chose de nouveau dans ce temps-là et c'était l'inverse aussi pour le petit. Il était mal placé pour y aller dans cette direction-là. Mais bon, j'ai hâte de voir si... leur condition humaine sera transcrite et transposée dans leur set de VJ. Étienne, c'est sa première fois. J'ai beaucoup d'espoir. Hein, c'est mon poulain. Au début, vous m'avez dit « Ben non, Tommy, mets pas ça là. » Puis là, j'ai dit « Non, non, il va faire sa place. Il va guérir. Ça va être correct. » Et là, depuis, il est capable de voler de ses propres ailes. Fait qu'on va rester patient. Ça va être beau. Et Tommy Colin Vallée, ben, il a le même prénom que moi. Donc, je l'aime pas beaucoup depuis le début. Mais avec le temps, on pardonne, on pardonne. Je t'aime bien gros, toi. Juste avant ça, on devrait avoir une performance musicale de notre house band, Maté Luna, et aussi notre invité de ce soir, parce qu'on va faire un 70% avec Vincent Descoteaux. Je pense qu'il va prendre le micro pour nous offrir un petit peu de son meilleur pot pourri. Et là-dessus, pour commencer la soirée, ce n'est pas sa première fois, fait que faites-le sentir spécial, ça va être encore plus difficile. Mesdames et messieurs, c'est François-Luc Fluc Saint-Gelais, s'il vous plaît. Ouais. Un applaudissement. Allô? Est-ce que vous allez bien? C'est drôle parce qu'il dit, il précise que c'est pas ma première fois, mais il y a quand même quelqu'un dans le public qui a crié « bou » et ça m'a rappelé ma première fois. Donc, je me présente, hein? Même si je suis pas mal sûr que la moitié me connaissent, puis les autres sont comme ce gars-là. Et mais présent, je m'appelle François-Luc, j'ai 21 ans, et on me compare souvent à un futon, parce que je suis mou et désagréable avec le temps. Vraiment content d'être ici ce soir, et je sais à ce qu'on a, nous amène applaudissement à Tommy. Tommy qui est toujours aussi fabuleux à chaque fois. Dernièrement, je me suis rendu compte que j'étais pas quelqu'un de très social parce que je me suis mis à avoir une discussion avec mon congélateur puis j'ai créé un fret. Yes, sir. Une chance qu'ils sont là. Je me sens comme dans les années 90 avec le pelotus. Let's go. Sinon, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un de très maigre. En fait, je suis tellement mince que moi, ce que je retiens de mon ex, c'est pas notre rupture. Mais plutôt le fait que ses pantalons me font. Qu'est-ce que tu veux? Les gars qui volent des cœurs, moi je vole des leggings. Sinon, avant de venir au spectacle, j'écoutais la télévision. Parce que oui, je suis une des trois personnes qui veut encore encourager Marine Orsini. Hey, j'aurais jamais pensé que vous autres, vous étiez son public cible. Si. Puis, tu sais, en regardant la télé, je suis tombé sur une des pubs des condoms Durex où le slogan était « Soyez les héros de la nuit ». Et j'adore ce slogan-là. Parce que c'est vrai que quand je fais l'amour, je suis un héros. Un héros qui sauve la vie d'un enfant qui aurait grandi sans son père. En fait, moi, je pourrais pas être papa parce que moi, je serais pas capable de prendre des décisions. Je veux dire, juste quand tu regardes mon prénom, tu sais que mes parents n'ont pas été forts sur celle-là. Mais bon, on s'entend, là. S'appeler François-Luc, c'est nice. Mais s'appeler Pierre-Luc, c'est encore plus nice. Je veux dire, Pierre-Luc, il est cool. François-Luc, ça nécessite qu'une fois par semaine, je me fasse appeler François-Q. Oh, oh! Il est allé là! Et ça, Tommy, tu sauras que c'est très difficile pour l'âme. Non, mais tu sais, je l'aime mon prénom, il est original, il n'y a personne d'autre que mon nom, sauf que François et Luc, ça sonne juste comme un compromis de naissance qui explique un divorce. Hein, je shout-out à mes parents qui sont ensemble depuis 37 ans. No. On est d'accord avec ton Sinon, à part de ça, moi, si j'avais un enfant, je pense à ça, puis moi, je pense que je l'appellerais Noah. Noah, parce que moi, mon enfant, il serait chanceux de s'appeler comme ça. Parce que lui, à chaque fois qu'il écouterait un film d'horreur, il se sentirait rassuré. Parce qu'à chaque scène où une fille se ferait attaquer, il serait comme « Oh non! Non! Ah! Ah! » J'ai fucké ma prémisse. J'ai trop de temps libre. OK. Sinon, moi, si j'avais un enfant, je l'appellerais Derek Tom. Ouais. Juste pour avoir le plaisir de l'inviter à manger puis à dire « Allez! Viens manger, Derek Tom! » Viens manger des rectangles. Eh boy. Ça va être malade parce qu'après ça, j'ai un spectacle et ça va être... Wouh! Sinon, à part de ça, moi, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait ici, mais que j'ai comme modifié. Parce que ici, ça avait bien marché, puis je pense que ça va encore être cool. Moi, dernièrement, je suis allé à mes retrouvailles du secondaire. Et j'ai détesté ça, parce que ça m'a rappelé mon secondaire. Et tu sais, en allant là-bas, j'ai découvert plein de trucs. Comme que le bal de finissant, on s'en tabarnak. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que je viens à la conclusion qu'on devrait peut-être remplacer les retrouvailles du secondaire par des retrouvailles de la garderie. Comme ça, au lieu de parler du bal de finissant, on pourrait assister à des répliques mémorables du genre « Hey! Te rappelles-tu de la fois où j'ai mangé de la terre et je t'ai montré mon pénis? » Oui, mais on se souvient, c'est la même fois où j'ai chié dans le carré de sable. J'ai eu une difficile enfance. Sinon, je me suis dit que ce soir, j'allais finir avec vous sur quatre petites blagues que j'ai jamais faites. Fait que je vais vous les lire, là. Je vous promets, ça va être magique. Ça va être comme Noël si t'es orphelin. Eh ben. OK, première blague. Dernièrement, je me suis rasé. Et j'ai découvert qu'une coupure, c'est pas juste douloureux à Télé-Québec. Je suis engagé. Et sinon, je connais bien des gens qui disent « Celui qui sème le vent récolte la tempête. » Donc, si tu trompes ta blonde, ça se peut qu'elle se fasse gang-bang. C'est correct, vous aimez pas les faits vêtus. C'est, Sinon, troisième blague, parce que moi, je suis quelqu'un d'engagé, comme vous l'avez pu le voir avec le premier gang. Le Parti québécois, là... Et comme les scènes de Pamela Anderson, commencer si gros pour finir si bas. En tout cas, merci d'avoir entendu tout ce que j'ai dit. Puis pour ceux qui se demandaient, est-ce que ce gars-là est en train de donner ses blagues? Est-ce qu'il est pas fin? Non, c'est juste une photo de Marie-Main. Luc Saint-Gelais. Ici Chavara, la seule radio qu'on écoute, c'est Choc FM, l'émission 70%. Merci tout le monde, j'espère que vous avez apprécié un peu mon set de VJ. Ça manque de monde pour ramasser projectiles. Je vous présente notre encanteur. C'est toi qui prends le micro, c'est moi. Ça a l'air que je parle trop pendant mon set de VJ, c'est ce qu'on m'a dit. Non? Non? Fait qu'on passe l'encan à Bruno. Ouais, je ne mérite pas de présentation. Salut! Moi, c'est Bruno. Ça va bien, tout le monde? On est effectivement rendu au moment de l'encan de la soirée, si bien présenté par Étienne, notre VJ de ce soir, à qui on peut donner une main d'applaudissement qui n'est pas demandée par lui. Il y avait aussi Tommy Colin-Vallée qu'on peut applaudir alors qu'il est chez lui en train de s'occuper de son enfant. Voilà. Et on est ici pour vous vendre des cossins. On commence avec un premier lot de cossins qui commence avec un magnifique t-shirt sur lequel il est écrit « Let's eat ». Alors, c'est pour le « et ». Il est savamment sizé à X large. Parce qu'on parle de manger pour la blague. Non, les gens n'ont pas compris. Hey! Okay, il l'a pogné. Bon. Et ça vient avec, effectivement, un CD de Genesis pour deux gros pianos. Genesis pour deux gros pianos. Le band préféré à Tommy. C'est le band préféré à Tommy. Et parce que c'est le band préféré à Tommy, on part ça à 2$. Est-ce que j'ai 2$ pour un t-shirt puis un CD? Je donne 2$ pour un t-shirt puis un CD. Lui donne 2$ pour un t-shirt puis un CD. 2$ une fois. Faut que vous gueuliez, là. J'ai 3. 5$. 6$. 7$. 8$. 8,50. C'est pas toi qui fais les règles. 8,50. 8,50. Ta gueule. Ta gueule. 8,50. 9, tabarnak. 9. C'est un t-shirt. 9$ une fois. Oui. 10$. 10$ une fois. 10$ deux fois. 10$ trois fois vendu. C'était fantastique. Il y a eu un malentendu à un moment donné sur le stage. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça a duré 3-4 répliques, là. Mais c'est revenu après. Y a-tu quelqu'un qui a du change pour un vin? On va gérer ça tantôt. On passe au prochain lot. Il s'agit de Willow dans Buffy the Vampire Slayer. Alors, pour ceux qui ont Netflix, Buffy the Vampire Slayer, c'est une série qui passe sur Netflix. Et comme il est mint dans la boîte, on va partir ça à 2$. 3$! 3$! 3$ une fois. Ça va faire son champ de vie, là. 3$ deux fois. 4! Hey, ma fille va l'aimer. 4$! 4$ une fois. 4 deux fois, 4 trois fois vendu. C'est bon, ok, c'est correct. Personne ne le voulait. J'ai aussi ça, là. Est-ce que tu vas te servir du 20$ que t'as dans tes mains pour me payer ton 4$? Ouais. Ça vaut 6$. Et finalement, on termine avec, pour les fans de l'excellente télévision qui existait dans les années 90. Étienne veut dire quelque chose. C'est J'aime et les hologrammes. J'aime et les hologrammes. C'est une bande dessinée. Donc là, ici, on s'est dit, on va essayer de faire rejoindre tout le monde, les fans de la télévision de marde des années 90 et les fans de BD. On va les amener ensemble sur une BD distribuée par l'excellente maison IDW. C'est mint dans le sac. C'est pas encore ouvert. Ça a jamais été lu. Tu vas être la première personne à lire ça de l'histoire de l'humanité, c'est sûr. Et on part ça à 2$. 2$! 3 quand même! 3 quand même une fois. 3 quand même deux fois. 3 quand même trois fois vendu! On est rendu à... On l'a-tu vendu, là? C'est correct? On peut-tu se débarrasser de ces affaires-là? OK. Finalement, c'est vraiment le fun que vous n'ayez pas trop dépensé d'argent ce soir parce qu'on arrive à notre dernier lot qui est important pour vrai. C'est la toile qui a été peinte ce soir lors de la soirée live pendant notre podcast. Pascal de Sucrose... C'est ça. Pascal de Sucrose, allez checker ça sur les médias sociaux puis les internets puis toutes ces affaires-là. Tu veux-tu nous parler de ta toile un peu avant qu'il y ait des gens qui n'étaient pas là tantôt? Le nom de la toile, c'est Sexy Sax Pouleman. C'est un mix de bien des affaires d'internet, fait que si vous connaissez pas les références, ben c'est ça. Hein? C'est ça. Et on va commencer ça pour vrai à 25$. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne 25$? 25! 30! 35. 45. 50. 55. 60. 70. 75. 80. 85. 85 une fois. 90. Ah, ça va tellement être bon la nourriture cette semaine. 90 une fois. 90 deux fois. 90 trois fois vendu. Et on vous remercie beaucoup ce soir d'avoir été des nôtres. Et maintenant, je passe la parole à Tommy Golette qui va venir vous parler d'un film comme il fait à toutes les semaines. C'est que t'es original. Hey, sérieusement, des gens de qualité, j'en connais plusieurs. Je suis un béni de la vie. Mais Bruno Corbin, mesdames et messieurs, hein? Ben oui! S'il y a un gars qui vient de faire l'encan de la meilleure des façons, qui a fait face à tous les Étienne Lapointe qu'il y avait dans la salle, un gars qui a bravé les tempêtes et le reste, et là-dessus, j'ai déjà vu Mathieu Boudreau tout nu. Tout nu, je ressemble à une araignée. Ah, yeah. En fait, j'ai tout deleté ça, moi, les Tinder, Badoo, pis tout. Ils m'ont dit, sur Badoo, tu vas te faire pogner par du monde qui veulent vivre des aventures dans un donjon, pis tout. Moi, je veux vivre des aventures dans un donjon. J'ai un ranger. Il est vraiment hot. Je te sens mon ranger n'importe quand, dude. Doudette. En fait, je suis un petit peu à la recherche de mon poème sur Argoman, le film qu'on vient... J'aurais dû mettre 2 minutes de recherche tantôt. Je vais en parler là. Le poème existe en ligne. Argoman, Argoman, c'est quelque chose que je vis depuis plusieurs années, voire pas plus d'une génération. Argoman, c'est un long métrage de 1967. Ça implique l'Italie, la France et l'Angleterre. Ça, c'est comme 3 pays que tu as souvent entendu parler d'eux dans tes livres d'histoire. Et en 1967, ils ont décidé de faire un long métrage. Merci les gars, va t'asseoir. Arrête d'être utile. Emmanuel Côté-Séguin, célibataire, mesdames, messieurs. Ouais, ouvert aux dames, ouais, c'est comme on dit. Avant de me lancer dans mon poème qui explique très bien ce qu'on va voir, j'ai absolument tout dit à propos de ce qui était le contexte. Je pense à ça. 1967, 3 pays y ont investi dans... Dit-on Argoman ou Argoman? Argoman, oh Argoman, tu es le plus fort... Le plus puissant. Tantôt Reginald, tantôt jaune fluo. Qu'importe pour moi, c'est toi le plus beau. Lord anglais de jour, super-héros de nuit. Chaque fois que tu te transformes, tu ruines un de tes habits. C'est vraiment très drôle, ça. De feu ou de ralenti, tu n'as point besoin pour à la fois plagier Spider-Man, Batman et Lupin. Magnéto supra-radioactive. pouvoir métaphysique. Des mots qui décrivent ton univers. La Joconde et la couronne anglaise tu conserves dans le cabanon de ta cour arrière. Comment te reconnaître? Oh, rien de plus facile. Tous peuvent te spotter partout et de loin. Car, omis-toi, personne jamais ne sera assez débile pour s'habiller en entier de lycra jaune serein. Tu es tellement puissant, jamais tu n'as peur. En tant que héros, dis-moi, quelle est ta kryptonite? Quand tu fours, tu perds pendant 6 heures tous tes pouvoirs. Moi qui préférais me crisser d'où tu mets ta bite. Ça vieillit. Hein? Je manquais à la finale, mais ça vieillit bien. Hein? Dans ce temps-là, j'étais au moins 3 trips à 3 plus jeune. Hey, ça forme un homme en esti, là. Merci, Emmanuel. À partir de maintenant, on va écouter un long métrage de 1967. Qui était né en 1967? Super pas. On a Missier Mallette. Ouais. En tout cas, à partir de maintenant, je vais arrêter de poser cette question-là, j'ai l'impression, parce qu'on a un technicien bénévole qu'on aime bien gros qui est bien plus vieux que je pensais. Mais sinon, on écoute un long métrage. Douteux.org, ça existe dans plusieurs villes au Québec. Shawinigan, Taschereau, Québec, oui, c'est vrai, Québec. Sherbrooke, Rouyn-Noranda. Et ce long métrage est quelque chose qui revient de tous les chapitres. On appelle ça chapitre pour faire badass. C'est un long métrage que les gens apprécient. Et idéalement, je ferme ma gueule rapidement, qu'on commence avec ça. Merci. On est là lundi prochain, hein? Lundi prochain, c'est un spécial chat! C'est ça. Merci à tout le monde. On écoute l'excellent de 1967 dans sa glorieuse version française, Cigarette Magnéto Supra Radioactive, Argoman. Merci.